IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh, ouais ouais non. Oh là là. Oh. J'ai une fable à vous proposer. Ok. Ça commence bien. Une fable de ChatGPT. Oh. Il était une fois un chauve déconstruit, le Jason Statham français sans aucun bruit. Et un hirsute passionné de pop culture qui dirigeait Charlotte Gainsbourg dans un film Quelle aventure. Les deux amis partirent pour un mois de vacances, le chauve laissant derrière lui son air de vengeance, pensant que cela le rendrait plus sage, mais il se rendit compte que cela n'était pas son voyage. Okay. L'hirsute, quant à lui, avait bien préparé sa valise, remplie de films, de musique et de surprises. Il avait soif de découvrir encore plus de culture et savourait chaque minute sans aucune rupture. Je suis un gros loser déjà dans ce domaine. Au bout d'un mois, ils revinrent ensemble. Le chauve un peu tremblant mais toujours exemplaire, l'hirsute rayonnant de bonheur avec plein de nouvelles histoires et de couleurs. Là, ça rime pas. Mais... Le chauve, en voyant le bonheur de l'hirsute, se rendit compte de son erreur absolue. Bon, allez. Il comprit qu'il devait se. Il comprit qu'il devait se. C'est ChatGPT, mon cul, c'est toi qui as écrit ça, c'est oui. Il comprit qu'il devait se déconstruire encore plus pour découvrir la richesse de chaque culture. L'hirsute, quant à lui, avait compris que la passion pour la pop culture ne doit pas être assouvie, mais partagée, discutée dans les faubourgs, comme lorsqu'il dirigeait Charlotte Gainsbourg. Wow. Et c'est ainsi que les deux amis apprirent à s'ouvrir et à grandir, le chauve sur les pas de son idole Jason Statham, et l'hirsute, à l'image de Charlotte Gainsbourg, quelle madame. Wow. Ah oui, Statham, madame, pas mal. Ah ouais, c'est ChatGPT qui a écrit cette phrase. C'était super. On peut l'applaudir. J'ai découvert ChatGPT récemment grâce à Adrien Méniel. Je découvre, c'est sans fin en fait. C'est un véritable bonheur. D'ailleurs, je voulais dire, parler à propos de le chauve et l'hirsute. Il y a ma montre qui est en train de sonner, mais faites pas gaffe. Bon, c'est, okay. c'est déjà de la merde. Non, parce qu'en gros, ils ont fait un portrait de nous dans Libération. Libération, ouais. Ils nous appellent le chauve et l'hirsute. Mais chauve non. Et l'hirsute. Ce qui était, on a trouvé ça un peu déplacé. Et il s'avère que j'ai. Bon, la montre s'est arrêtée. Ouais, tout va bien. On était un peu vexés. Et en fait, j'ai écouté en livre audio le premier tome de la saga Antelo Antelo la saga Malocène de Daniel Pennac. Au bonheur des hommes. T'es pivot. C'est pas très Antelo, Daniel Pennac. Ça va, c'est pas parce que c'est un bouquin. En plus, je l'ai même pas lu, je l'ai écouté. Je suis vraiment un vieux. Et non, et en fait, c'est une ref. Il dit le chauve et l'hirsute dans le bouquin. Ah. Ce qui est toujours aussi insultant, de toute façon, de nous appeler comme ça. Mais référencé. Il y a une ref, mais voilà. Donc, mea culpa, ça reste insultant, Libération. Mais bien vu la ref. Le chauve et l'hirsute. Et bon, du après, coup. S'il disait le gros con et la merde humaine, même si c'était une ref, tu vois, tu dis, ouais, on est obligé de. Le fait de l'appliquer à nous. Alors, du coup, problème. Vu que j'ai découvert ChatGPT, je me suis dit que j'allais faire vos descriptions, parce qu'on a deux invités avec nous, Adrien, comme à l'accoutumée. Bien sûr. Et du coup, je vais faire vos petites biographies que j'ai fait via ChatGPT. Très bien. En leur demandant de prendre un angle pour chacun. Par exemple, notre premier invité, Guigui Pop, est un humoriste qui sait comment faire fondre le public avec son humour frais et délicieux, tout comme le fromage. Ses blagues sont comme une bonne fondue qui vous fait rire et vous met à l'aise. Il sait comment ajouter une touche de saveur à la vie avec ses jeux de mots fromagés et ses histoires amusantes. Avec Guigui Pop, vous êtes sûr de passer un moment délicieusement drôle. Merci. Ah, ça fait plaisir. Des anecdotes de cuisine, de bouffe. En fait, t'as tapé Guigui. Alors, j'ai tapé. Fromage. Fais-moi une courte description de Guigui Pop en le comparant à un excellent fromage. Ok. Chose qu'il a faite avec. Très bien. Il a évité l'écueil de l'odeur. Okay. C'est vrai. Mais nous sommes également avec Nash, l'humoriste qui sait trouver la bonne dose de rire pour nous faire oublier les soucis du quotidien, y compris la réforme des retraites. Ah oui. Avec son regard affûté sur l'actualité, Nash sait nous faire réfléchir tout en nous divertissant. Elle est la voix de ceux qui se battent pour leurs droits. Son humour décapant est une arme redoutable contre la morosité ambiante. Avec Nash, on rit, on pense et on sort de ces spectacles avec un nouvel élan pour affronter les défis de la vie. Alors, c'est Nash. Bravo. Bonjour. Ouais, alors quelques modifs à apporter peut-être. Ouais, ouais, légèrement. J'ai demandé de créer une courte description de la comique Nash en faisant un maximum de références à la réforme des retraites afin que je devienne chroniqueur chez France Inter. Bon, voilà, ça a donné ceci. Bon, et merci les amis d'être avec nous. Merci aux auditeurs de nous écouter. C'est vrai qu'on a fait une pause de un peu plus d'un mois. Alors, ChatGPT a dit qu'on était en vacances. Non, on n'est pas en vacances. Hein, on faisait d'autres choses. Moi, j'ai toujours pas terminé. D'ailleurs, je suis sur le tournage de mon film. Oui. Moi, j'étais le Jason Statham français. Adrien mettait des Wamashi Guéry, j'ai envie de dire. Je m'en prenais sur tout. Des Wamashi. C'est des Wamashi. C'est un plat. C'est pas du tout un truc de combat. Donc, ouais, on a toujours pas terminé. Et là, du coup, on en enregistre quelques-uns d'avance. Mais là, c'est bon, on reprend. On reprend la formule hebdo. Et ça, quel plaisir pour prendre une petite référence de jeune. Je sais pas si vous l'avez. Kouakoubé. Kouakoubé. Non, je crampais. Non, je sais pas. Non, mais à un moment. Vous êtes gaze, pour moi. J'en ai qu'un, moi. Oh, qu'est-ce que c'est gaze ? Non, parce que j'en parlais en antenne avec Adrien. Donc, je tourne un film en ce moment où il y a des ados. Enfin, des ados de 17-18 ans. Et donc, je découvre les jeunes, tout simplement. Ah oui. Et je connaissais pas l'expression être gaze. C'est quoi, du coup ? À toi, vous avez-vous pas ? Ouais, être gaze, ouais, c'est. C'est nul. T'es content, quoi ? Alors, non, pas du tout. Ah, non, c'est je suis malheureux de te dire que tu es ringard. C'est gaze, ça veut dire c'est nul, quoi. Et, ouais. Et Lily qui joue dans mon film dit je dis oui mais ça veut dire quoi gaze, elle dit bah je sais pas t'es merguez quoi, j'étais genre oui non mais d'accord mec qu'est-ce que elle sait pas elle-même je pense si, que si, ça veut si, dire si, si, si, elle savait très bien et elle m'a dit que nul le casque dire naze dire naze c'est ringard. Ah bien sûr. Genre je suis naze. Je le dis tout le temps. Mais moi aussi. Oui mais on est ringard. Mais moi je disais nasbrock. C'était encore pire. Tu dis pas nasbrock quand même. Moi je suis nasbrock. C'est vrai que parfois nasbrock. Tu dis moi je dis ringos. Moi j'ai tout. Ah ringos, oui, bien sûr. Bah oui. Bah, ça bien fait plaisir. Sûr, évidemment. Tu dis nana aussi pour parler d'une meuf. Alors les nanas, on va en discothèque. Non, je dis les miss je crois. Ah waouh. Waouh miss. Nana tu peux le dire. Donc chers amis, alors là à l'heure où nous enregistrons, c'est le lundi de Pâques. Oui. Et là, ça fait, donc nous célébrons la résurrection du Christ tous ensemble. Mais pour les gens qui écoutent, c'était la semaine dernière. Mais quand même, je me suis dit bon, bah voilà, c'est peut-être un truc pour faire le petit jeu des actus. Ça peut être un petit angle sympa. Là, donc c'est Pâques en France, on cherche des œufs dans le jardin, on attend que les cloches passent. Mais dans d'autres pays, on a d'autres coutumes. Mmh. Au Mexique, par exemple, savez-vous comment on fête Pâques ? C'est la question. Bah, c'est pas la fête des morts. On se déguise en, on se maquille en. Non. Non, ça c'est Halloween, je crois. Non, non. Est-ce que c'est un rapport avec un plat spécial qu'on mange là-bas ? T'es raciste ? Wow. Non mais pardon. C'est, alors c'est super gaze de dire ça. Si je me permets. C'est vrai que je suis tellement gaze. J'apprends vite. J'apprends très vite. Ça fuse. Mais t'as lu un bouquin les expressions de jeunes. Je l'ai écouté en audio comme Daniel Pénac. Voilà. Donc non, ce n'est pas lié à la nourriture. Ah, mais justement, c'était en vérité, c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils déterrent les morts ça a un rapport avec les morts ou pas ? Pas du tout. Non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez poser des questions. À côté de la plaque déjà, pour moi. Waouh, tous les Mexicains. Pâques, pardon. Mais c'est quand même Pâques, ça. Alors c'est très bonne question. C'est extrêmement lié à Pâques. Ah. Ils font des. Et donc au Christ. Des œufs. Ils pondent. Ils pondent des œufs, Nash. C'est ça que tu veux. Non mais que le début de l'idée, que le. Alors je fais la phrase dans ma tête et j'arrive. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Mais attends, est-ce que ça a un rapport avec le Christ ? Oui. Ok. Un rapport direct avec. Ils se déguisent en Christ. Ah. Ils se déguisent pas en Christ. Dommage. Ils crucifient des gars. Non. Non, pas du tout. Non, là je vous demande d'ouvrir votre petite Bible. Voilà. Ah oui, oula. Ah, non, je vous en supplie. Attends, Pâques c'est la résurrection. Non, c'est pas la résurrection. Si, si, si, si, si. Et ben, donc c'est un rapport avec la résurrection de façon un peu symbolique ? Pas vraiment. Ah oui. Bon. Ah, donc Non mais si, ça c'est lié au Christ, à son histoire. Non mais c'est Pâques, mais ça a rien à voir en fait. Non non non, si si, c'est vraiment lié au Christ. C'est lié au, disons, à l'entourage du Christ. À vos apôtres donc. Ah. Ah, ils font des avance. Dîners à 12 à 12 personnes. Non. Oh, le cateau que t'es. Ouais, t'es un gros cateau. Ouais, gros cateau. Il regarde les gens par le Judas. Oh, allez, il fait une blague, mais en fait, il s'approche. Il s'approche en faisant une blague. Ah, il pardonne. Il pardonne les trahisons des gens. Plus ou moins l'inverse de ce que t'es en train ils trahissent les gens. Ah. Non, je sais pas c'est si la avez... purge, la purge, le film. Non. Non. Non, alors je sais pas si vous allez trouver du coup. Si, mais si. C'est lié à Judas. Ah, c'est lié à Judas. Judas, lié à Judas. Qui est donc. Donc qui a trahi. Une terrible personne. Ouais. Bah, il a dénoncé Jésus. Une véritable poucave du Christ. C'est ça. Dire, la poucave du Christ. C'est le titre de l'épisode. Donc ils doivent poucave, ils vont à la police quoi. Non. Non. Est-ce qu'ils ils disent des trucs qu'ils se sont jamais dit ? Non. Ça serait stylé. Ouais, ils avouent des trucs. Et genre en 2012, je vais On va tous le faire autour de la table. Alors. Ouais, ok, alors. Le qui sort, Oui, oui. Oh non, ça commence. Non, mais c'est lié effectivement à Judas. Alors, c'est pas lié au fait de se dire des choses. Là, c'est presque. C'est un rapport avec Eric Judor ou. c'est presque trop symbolique ce que tu disais, Nash. C'est vraiment un truc très. Judas. Pratique. Ils se déguisent en Judas. Alors, on s'approche. Ils se déguisent pas en Judas. Ils appellent leurs enfants Judas ce jour-là. Non. S'il est né, le deuxième. C'est pas sympa pour lui. C'est vrai. Non, c'est pas. Alors, je vais vous. Judas, vous... non, mais attends. Attends, on y va là. Au final, je traitais Guigui avec tout mon amour de raciste, mais il y a une petite truc lié au Mexique aussi. J'allais. Ah, lié au Mexique, d'accord. Un petit peu. Je crois que t'allais dire lié au racisme, et du coup, je me disais Judas, ouais. Judaïsme, est-ce qu'on va vers un truc extrêmement antisémite? On est dans le Kanye West pendant 24 heures. Non, non, c'est. Et après, on regarde 21 Jump Street et tout est réglé. C'est une référence, je sais pas si vous avez suivi ce truc de Kanye West qui est sur Instagram. Mais je l'ai dit pour les auditeurs, enfin, de. Qu'il était plus antisémite depuis qu'il avait vu 21 Jump Street. Ouais. Grâce à John Hill. Grâce à John Hill. Il a vu John Hill, il a fait bah, je suis plus antisémite, c'est bon. Mais il est un... Ouais, bon, bref. Non, là, c'est par rapport à Judas, par rapport au Mexique, une pratique que d'autres pays du monde font d'ailleurs. Alors, le football. Les non, pas les œufs. Non, par rapport au Mexique. Un truc typique du Mexique Oui. Le chili con carne. Non, on fait pas un chili con carne du Judas. C'est du sport? Ce n'est pas du sport. C'est une activité physique? C'est la musique, c'est de la musique. C'est pas de la musique. Physique, je pense, que ça va vous donner sur une mauvaise piste, je pense. Ok, mais ok. Mais c'est un truc, oui, qu'on fait. Quoi. La danse. Enfin, non, pas de la danse, pas de la musique. Il a dit de la musique. Cuisine. Non, on l'a non déjà pas dit. De la cuisine, mais un truc lié aux enfants. C'est moi. Un truc mexicain lié aux enfants. Ouais. Ah, une piñata de Judas. Alors, c'est une partie de la bonne réponse, effectivement. Ah ouais. Non, mais alors, c'est une des choses que l'on fait. Ah. En fait, on violente Judas. J'adore. On violente Judas. On violente Judas, c'est-à-dire qu'à la base, on pratiquait le bûcher de Judas. À savoir, donc Judas Iscariote, hein, vous connaissez un petit peu. Bien sûr. Voilà, Iscariote. Iscariote. Voilà, moi, je connais pas. Moi, je suis un enfant du monde, en fait. Iscariote, je suis de tous les pays. Et bien, à une époque, de nombreux pays, d'ailleurs, même en Europe, l'Espagne ou l'Allemagne, brûlaient des poupées de taille humaine à l'effigie de Judas. Et aujourd'hui, cette coutume continue au Mexique, on brûle parfois des poupées et aussi on les tape comme une piñata, on tabasse Judas et on le pend même également. Donc c'est voilà. Bon délire. Voilà, c'est tout de suite de la violence. Nous on a les cloches et ouais. ils des pendent. Petits lapins, des c'est, bon, on tabasse un mec publiquement. Mais après il y a des Kinder dedans, c'est dans le cas okay. Que tu tabasses. En Pologne. Oh. Que fait-on le jour de Pâques? Ça, c'est les origines, ça fait plaisir. Ah oui, ah oui c'est vrai. C'est un hommage t'es... à toi. À 50%. Alors, bah vas-y, t'as la bonne réponse, mon pote. J'y vais, quelle est la question? Parce que pour ça, j'ai que en Pologne. En Pologne, que fait-on le jour de Pâques? Ah, que fait-on aujourd'hui? Bah, bien sûr. On n'écoute pas trop apparemment en Pologne. Ah. Les oreilles, ça se lave, hein. Véritable sniper ici. Ça se lave bien les oreilles. Alors, en Pologne, déjà, c'est un pays très catho. Donc on est sur la bonne piste. Voilà. Non, rien à voir avec Jésus en tout cas. Très bien. Un repas peut-être? Pas un repas. Un repas, une danse. Pas une danse. Dans la rue, c'est dans la rue, c'est un peu une sorte de manif. Ça peut. Alors c'est pas une manif. Non ça mais peut genre. Être... Oh calme-toi. Tu vois un défilé quoi. Ouais. Ça peut être. Non, mais ça se fait. C'est des choses qui se font dans la rue, mais c'est pas une manif ou un défilé. Qui sont on révèle tout ce qu'on s'est pas dit, Sophie. Tu veux parler, Nash? Tu veux parler avec nous? T'as quelque chose. Est-ce que c'est on ouvre la fenêtre et on fait un truc? On applaudit le personnel hospitalier. Par exemple, je sais pas, c'est. On applaudit Jésus pour tous ses services. Pour les services rendus à la nation. Bravo! Merci Jésus! Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Jésus, avec le. Alors, ok. Un petit peu avec. Avec le chocolat quand même? Non, rien à voir avec le chocolat. Bon, qu'est-ce qu'ils. Avec la nourriture? Même pas. Bon, ils font les intéressants. C'est juste ça tombe en même temps qu'un autre truc, ils font le ménage. Change d'heure. Non, pas du tout. C'est une espèce de coutume qu'ils font. Qui se fait que à Pâques. C'est implique... un rapport avec un animal? Pas du tout. De la violence? Non. Ça m'intéresse moins. Bah, parce que t'es le Jason Statham français. C'est ça, ouais. Maintenant, j'ai besoin d'adrénaline. Ils font des cadeaux, du coup. Ouais, hein? Ouais. Ils font des cadeaux. Dans la générosité? Pas vraiment de la générosité, pas des cadeaux. Ils se volent des choses? Non. Ils se rendent des services? Non. Mais on n'était pas loin. Des bisous. En fait, c'est un truc qui se fait à l'autre, mais c'est pas des cadeaux, bisous. C'est pas un truc. Des bisous. Pas des bisous. Des preuves d'affection tout de même. Des free hugs peut-être. Peut-être. Ça va être une expo. Ils baisent ensemble. Ils baisent dans la rue. Très bonne réponse. Non, pas du tout. Non. Nash a été surprise. C'est ça. Ah ouais. C'est fou les Polonais, dis donc. Et c'est quand ça? C'est. Non. Alors je vous dis la réponse. Bah pas du tout. Ah, okay. Surtout pas. Bah je m'en vais. Non mais c'est quand un truc ils témoignent de l'affection aux autres. Non. Okay. Non. Mais c'est quelque chose que tu fais à quelqu'un d'autre. Ouais. Là, je pourrais te le faire. C'est des pranks, c'est des pranks. Ah, ouais. Bah, ils serrent la main. Ils serrent la main. Non, ils sont des trucs que je te ferais le moins. Je suis tellement pas tactile. Ils sont des blagues. Non. Ah, alors c'est un peu des blagues. Des compliments? Pas des compliments. Des pranks. Des pranks poisson d'avril. Non, il a dit des pranks aussi. Il le dit. Il l'a pas dit. Si, il l'a dit. Les oreilles, ça se lave. Retour à l'envoyeur. La rejeune, la rejeune. Donc, ça a un rapport avec le rire tout de même. Avec ce que tu viens de dire, t'étais pas loin de la bonne réponse. Il se jette de l'eau. Il s'asperge d'eau. Je me rappelle, je crois que Natou avait fait une story pour le dire. Pendant cette journée, on arrose les passants. Cette coutume date du temps des religions païennes. Ah, je déteste. C'est nul à chier. Les slaves de l'époque croyaient aux vertus de l'eau pour soigner. Nul, nul votre pays. Non, pardon. Les slaves de l'époque croyaient aux vertus de l'eau pour soigner les maladies et favoriser. Attends, les quoi? Les slaves. Les oreilles, ça slave. Yeah. Bon, et du coup, ils jettent de l'eau, ils slavent. C'est une véritable masterclass. C'est comme ça que ça s'appelle. Quoi couper? J'ai fait la blague tout à l'heure, mais j'étais pas sûr que c'était des slaves les Polonais, donc je l'ai un peu fait. Si vous réécoutez, je l'ai fait à voix basse. Là, maintenant que je le sais, ça slave. Ça slave les Polonais. Punchline. L'eau était synonyme de joie et annonçait le printemps. Dans certaines régions, avec la passion du christianisme, on aspergeait tôme le matin les champs d'eau bénite. Cette coutume est toujours d'actualité dans le sud de la Pologne. La tradition d'arroser les femmes dans les villages été reprise par la cour. Les femmes, juste. Bah, tu vas voir, l'eau était alors remplacée par du parfum. Il est conseillé aux jeunes filles de ce jour de ne pas s'aventurer à l'extérieur de peur de se voir arroser par des bandes de jeunes gens surexcités. Très sympa. Très, pas du tout, ouais, malsain. Et... à table, ils boivent de la vodka, mais ils se jettent de l'eau, par exemple. Bah voilà, c'est bah, très bon bizarre. Délire. C'est attends, t'as dit du parfum ou j'ai rêvé? À un moment, ils sont jetés du parfum. Oh, également... Moi, je dégueule. Ça dépend quel parfum, attends. Non, non, non. Ah, non. Moi, je, le parfum, un Scorpio. Ah, non, par exemple. On offre à Noël dans une grande boîte. Ah, bah oui, attends. Ça a plaisir. Ça n'aime pas le parfum autour de la table. Comment? Nash, tu n'aimes pas le parfum? Si, j'aime bien. Ah, bah voilà. Un petit peu, petit peu. Tranquillement. Corporel. Comme ça, Adrien, il déteste le parfum. Adrien me gueule dessus quand je mets de l'encens chez moi. J'ai rien. Mais là, il y en a quand pas. Je suis arrivé. Il y en a pas. Oh, t'avais mis un petit truc sur toi. Je me suis pris une douche. Tu mets pas de parfum, toi. Ah, non, j'ai juste pris une douche. Non, y a t'as mis un truc. Je te jure sur ma vie que je n'ai rien mis sur la tête de ma fille. Tu ne mets pas de parfum. Peu importe l'occasion. J'ai jamais mis de parfum de ma vie. Peu importe l'occasion. Ah ouais. Déodorant, oui. Déodorant, oui, mais sans odeur quand même. Ah ouais. Quelle marque de déodorant? Sanex. Eh, tu devrais mettre du Axe, ça ramène grave les meufs. Ouais, peut-être ça le problème. Ouais. Peut-être ça le. Pas sûr que ce soit ça le. Tente-le, mais... tente-le. Ouais, pour le tester. Ou ça, ou le fait que je vis reclus chez moi. C'est l'un ou l'autre, je sais pas. On va tester les limites du Axe. Alors, qui dit Pâques dit chocolat, bien sûr. Bien sûr. Bah, tu m'étonnes. Alors, chanson de l'artiste. Chocolat. Voilà. Sur TikTok. Mais aucun entrain. T'as vraiment fait. Chanson de l'artiste. Allez. Chanson suivante. Blind test. Sur TikTok, des utilisateurs ont commencé à péter un véritable câble sur les chocobons. Ils ont pété leur crâne, j'imagine. Leur crâne, en l'occurrence. Okay. À votre avis, pour quelle raison? Sur les chocobons? Les chocobons. Est-ce qu'il n'y en avait plus? Alors non, il y en a toujours autant. Ah mais c'est qu'il y en a pas aux États-Unis. Si, il y en a. Alors peut-être pas. Non, ceci dit, non, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être tu as raison, mais c'est pas le. Moi, une fois, j'avais fait le Secret Santa de Reddit et j'avais offert des chocobons au mec parce que c'était un Américain et qu'il y a pas. Enfin, en tout cas, à l'époque, il y avait pas de chocobons là-bas. C'est quoi le Secret Santa de Reddit, pardon? Vous voyez ce que c'est Reddit à peu près? Ou... Un forum. C'est un gros site où il y a plein d'utilisateurs et tout. Et le Secret Santa, c'est tu t'inscris. Et après, on t'attribue quelqu'un aléatoirement parmi les gens qui sont inscrits et tu dois lui faire un cadeau. Ah ouais. Et pour être pertinent, tu peux aller voir son profil Reddit et voir un peu ce qu'il a commenté et tout ça. Donc, c'est bon d'elle. Et toi, t'as envoyé quoi? Moi, que de la merde. Ah tous les cadeaux que j'ai eu étaient nuls. Moi, enfin, il y a un mec qui m'avait envoyé une théière, mais immonde, vraiment moche, et des gâteaux infâmes. Mais du coup, ça doit coûter super cher. Tu payes au prochain impact, il va recevoir que des Axes. Du coup. Une boîte d'Axes. Non, tu peux demander qu'on t'attribue quelqu'un dans la même zone géographique que toi pour éviter justement d'avoir des. Mais moi, j'avais dit, mais non. C'est bien fait le web, si je peux me permettre une petite. Non, mais sans déconner. Ah, le web était ultra perfectionné à l'époque. Non, bon, ça c'est un peu détérioré le web. Mais en l'occurrence, c'est pas ça les chocobons. En fait, c'est des gens qui ont découvert quelque chose sur les chocobons et alors ça a pris une ampleur. Rapport avec les chocobos de Final Fantasy. Rapport à la composition de chocobos qui ne sont pas véganes. Alors, c'est pas lié au fait de ne pas être végane, mais effectivement, c'est lié à la composition des chocobons. Où il y a un produit qu'on ne veut pas dans un chocobon. Alors, tu t'approches. Ah, il n'y a pas des insectes? Très bonne réponse. Ah oui, j'ai vu ça. Arrête. Alors, justement. Oui, mais c'est quoi? Ici, c'est de la cochenille, un truc comme ça, c'est ça? Déjà, tu vas te calmer. Non, okay, mais la cochenille, c'est quand c'est un colorant. Dans tous les bonbons, il y a de la cochenille. Mais eh oh, sur un autre ton là. Attends, il est marrant, lui. On a rien demandé là. Mais je suis néo. Tu vois pas que le pays est assez dans la merde? Moi, je suis pas tourné les pouces pendant un mois et demi. Je me suis. Ah putain. Je suis renseigné sur le monde en fait. C'est un gros nez pour les chocolats, putain. Tuez-moi. Je représente l'Antéchrist. Non, c'est une fake news. C'est le Shellac. Mais bien sûr. C'est le Shellac qui a un très bon groupe de rock d'ailleurs. Gommelac. Le Shellac. Shellac. La chanteuse. Allez. Allez. Mais mec, t'es trop fort. T'es trop fort, tu m'entends? Shellac, la chanteuse. C'est un alien. On dirait un blast de rap. Comme les rois mages en Galilée. Bon, après, je peux en citer d'autres. Hein. Si vous me dites quoi, si vous... dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Je veux bien, un petit, ouais. Spacer, bon. Ah, oh, moi, Spacer de chez là. Ah, non, connu, très connu. Ah, bah, oui. Ah ouais, non, mais toi, même tu peux DJ, mec. Tu peux la redonner. Vas-y, ok. He's a Spacer. Ah, oui. Star Chaser. C'est chez là, les gars. C'est chez là, il fait des motions. Écrit par le mec de. Non, bon, t'as pas demandé non plus. D'accord. Oui, bon. Ah, bah, il y a des chenilles dans les chocobons. T'as demandé en fait. Non, en fait, il faut savoir, c'est un additif. Il gâche pas, lui. On va demander, on est tranquille en famille. C'est quoi que tu nous donnes à c'est manger là? C'est des petits œufs pralinés de chez Emma, pour info. Ah, Emma. Et puis s'il y a des véganes qui nous écoutent, bah c'est vegan. Voilà. On trouve de tout chez Emma. Hein, ouais. C'est pas mal. Très bon. Donc, excusez-moi parce que je vois vous êtes pendu à mes lèvres sur le shellac. C'est un additif issu d'insectes, très souvent utilisé pour des produits comme des bonbons et les gâteaux. Donc c'est, oui. Cette résine provient de la sécrétion d'un petit insecte. Donc c'est pas un insecte, c'est de la sécrétion. Oui. De la cochenille asiatique. Ah oh. Et là, tu peux dire le nom, j'ai pas bien entendu. La cochenille asiatique. Ok, merci bien. Alors qu'est-ce qu'une cochenille? Parce putain, que j'ai envie de prendre un petit saut. J'ai envie de prendre un petit saut et de te le jeter dedans. T'es un puits de science. Laisse-moi finir, putain. Ah, mais les chenilles normales, elles vivent seules. Et puis les. Quand elles ont pas trop de thunes, elles vivent à deux, elles sont cochenilles, quoi. Oh là là, on rigole bien. Oh, c'est le retour. Pardon. On a un petit diesel. J'ai essayé de faire rire. Vin diesel, français. Pardon. Ça va trop vite là. Oh la vitesse. Bon, bref, produite plus précisément par la femelle de cette cochenille, d'accord, qui s'appelle la Kerialaka, qui est une danse de l'été. Oui, c'est ça. Ouais. Kerialaka. L'insecte se fixe sur des troncs des arbres grâce à cette résine qu'il produit. Il n'y a aucune transition entre les deux. Alors la chenille. Alors demain. Le groupe Ferrero qui produit les Kinder, oui, a tenu à s'expliquer auprès de 20 minutes parce que attention le bad buzz. Nous n'utilisons pas d'insectes dans nos produits, nous utilisons de la gomme shellac dans l'enrobage des chocobons. Il s'agit d'un additif sûr et autorisé dans de nombreux produits par les autorités alimentaires et sanitaires partout dans le monde. Il est fréquemment utilisé dans l'alimentation et les médicaments, et ce depuis de véritables décennies. Oui. Moi ce qui me fait rire, pardon, il va se marrer. On est, les gens sont outrés qu'il y ait de la sécrétion d'insectes dans les chocobons. Oui, chocobon, oui, pardon. Ouais. Le lait, c'est quoi? C'est pas de la sécrétion d'animal? Bien sûr, c'est bon, du sperme de vache. Pardon, c'est pareil. Bah voilà, bah écoute, on a fait le petit coup de gueule, on va passer à la suite. Allez, la météo aujourd'hui, voile du côté du Nord-Pas-de-Calais. Non, alors ça m'a donné une idée sur les légendes urbaines. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Mais il a raison. Non, mais voilà. Pour info, la cochenille, c'est vrai que beaucoup de bonbons qui ont la couleur c'est ce rouge. Qui fait que ça brille en fait aussi, moi j'ai non, lu. Mais c'est aussi un colorant. C'est-à-dire que beaucoup de bonbons rouges, en fait, c'est de la cochenille qui est utilisée. Mais là, pour le coup, c'est, je crois que c'est la cochenille elle-même, quoi. Mais pourquoi le fait de. Est-ce que colorer les bonbons, ça donne plus envie de les acheter? Ça donne. J'imagine, ouais. Vous avez entendu cette news que le chocolat, c'est noir. McDo, ça va devenir que de l'insecte après. Vous savez quoi ça? Les steaks. C'est ils sont en train de bosser sur des steaks. C'est une fake news. Non, je te jure, c'est une fake news. T'as lu ça où? Bon, je suis qu'une merde. Dans LOL qui ressort. C'est dans LOL qui ressort qu'ils ont dit ça? Apparemment. C'est une blague que t'as écrit que t'as. Les news d'Adrien, on y croit. C'est la parole d'Évangile. On est à Pâques. Les news à Guigui. C'est les news à Guigui. C'est de la merde. Allez hop, merci, on enchaîne. Non, mais parce que déjà, avant, ils disaient que les steaks du McDo, c'était quoi déjà? Des yeux de vache, à un moment, il y avait. Quoi? Non, je vous jure, il y avait. Non, mais un insecte, justement. Là, je n'y crois pas. Ça, c'est faux, par contre. C'est vrai. Non mais avant il disait que c'est une légende urbaine. Non, du lombric. Voilà, il disait qu'il y avait du lombric dans les steaks du McDo. Ils sont en train de travailler sur des steaks d'insectes. C'était faux. Mais alors c'est marrant ce dont on parle parce que ça m'a donné une idée de petits jeux sur les légendes urbaines liées à la bouffe. Ah, j'aime ça. D'où elles proviennent et je vous propose même de les débunker ensemble. Allez. Oui. Si je vous dis le Big Mac. C'est quoi la légende urbaine autour du Big Mac? Qu'il y avait des lombrics dans le steak. Non. Bah, me parle pas sur ce ton déjà. Tu m'as fait un geste de la main en plus. Non, enfin, ça va. C'est pour te dire légende non. Légende urbaine autour du Big Mac. Nage, t'en as jamais entendu parler? Oh, est-ce que c'est non, je crois pas. T'aimes bien le McDo, Nash? Tu manges souvent au McDo? Enfin, ouais, j'aime bien. Ah ouais? Ah. Le petit plat de Nash, comme ça. Une question que je mon lance. Plat préféré de tous les temps? Est-ce que tu as un petit rituel au McDo? Est-ce que déjà tu es d'humeur changeante? Non, je suis d'humeur changeante. Déjà, c'est intéressant. J'aime pas la routine. C'est pas, rare, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression qu'on a que les gens, ils ont leur truc, ils prennent au McDo. Ah, moi j'aime bien. Des frites de légumes, ça, j'ai testé. Ah, c'est bon ou pas les frites de légumes? C'est ça a pas l'air. Non, mais ça a l'air. C'est joli visuellement, parce qu'il y a plein de couleurs. Filet aux fiches. Filet aux fiches. Ah ouais. Ouais. Je suis toujours demandé qui mangeait le filet aux fiches. Très bon d'ailleurs. Ah ouais. Ne prenez pas le McFish. Ah le McFish, c'est pas pareil. Non. Est-ce que pas moi. McFish. Alors si je peux me permettre, je prends deux minutes. Ah oui. Le McFish, c'est du ketchup, le poisson, le pain, et le filet aux fiches, c'est la petite sauce tartare, le fromage et le poisson. Super. Moi c'est avec le McChicken où j'aimais pas spécialement. Le poulet du McChicken, mais la sauce du McChicken est excellente, même s'il mettait beaucoup trop de salade à une époque. Ils se sont un peu calmés. Oui. À une époque, il y avait beaucoup de salade dans le McChicken. On n'est pas sponsor par McDo. Non. Non, le Big Mac, c'était quoi? Vous avez même entendu parler de la légende urbaine autour du Big est-ce Mac. Est-ce que. Ah oui, si, je crois que je sais. Alors. Que c'est quelqu'un qui a. C'est un cuisinier qui s'est dit vas-y, je prends deux hamburgers, je me fais un gros hamburger en rajoutant un pain dedans. Et les mecs ont dit attends, c'est génial, on va en faire un burger alors, officiel. C'est pas ça que j'ai. Peut-être que c'est vrai, mais c'est pas ça que j'ai. Non, ça aurait pu être. Il me semble avoir entendu un truc. Non, la légende urbaine, c'est fou, vous l'avez pas entendu. Moi, j'entendais que ça. Non, mais quand attends, j'étais au collège. C'est sur la provenance des aliments. C'est la sauce qui est dans le burger. Alors, c'est pas la sauce. Bah, le pain, c'est sur le pain du milieu là. Eh ben c'est un accident, c'est ça? Ah non, non, non, une légende urbaine qu'on nous cacherait, une conspiration. C'est un truc dégueulasse. Et est-ce du bébé. Voilà. Non, pas du bébé. T'as dit quoi? Ça, c'est un truc dégueulasse, quoi. Pas dégueulasse. Mais justement. Sur le pain, donc? Ouais. Qu'il y avait un ingrédient dans le pain qui était dégueu? De l'os. Très surpris, je pensais que c'était drogue pour qu'il revienne tout le temps. Non, c'est un anti-vomitif. Très bonne réponse, mais oui, de Nash. Moi j'avais entendu dans le steak. Au degré, elle est très contente, elle adore les jeux, c'est vrai ou pas? Je suis hyper compète. T'es la bienvenue. J'adore les jeux, moi. La pastille anti-vomitive du Big Mac. Une légende urbaine s'appelle selon laquelle une pastille anti-vomitive serait insérée dans les pains à burger. Alors toi t'avais entendu le steak, là apparemment c'est le pain. Elle trouve son origine dans le rond blanc que l'on peut voir sous le... Complètement, tout à fait. Alors que c'est juste que... Non, parce que je voulais le dire depuis le début, figure-toi. Ouais. Et j'étais pas sûre de moi, alors je me suis dit, non, tu te tais. Et puis après, je me suis dit, allez, lance-toi. Ah bah ici, tu peux. Et j'avais juste. Voilà. J'avais juste. Alors, le rond blanc. Faut se faire confiance. Le rond blanc situé sous les pains à burger n'est pas spécifique à McDonald's. Il est présent sur la plupart des pains à burger du commerce. Oui, c'est de la restauration. En fait, c'est le cercle qui est lié au procédé de fabrication des pains. Une bulle d'air se forme. J'imagine qu'ils font couler le truc. C'est le petit. Parfois, un rond blanc sous le pain. Non. Ouais, ouais. Bah, mais t'es pas allé au McDo depuis longtemps, je pense. Okay, sinon, tu vis. Mais tu regardes ton sandwich avant de le manger. Pas la croûte, tu regardes tout le temps comme ça, dessous. Genre où il manque la croûte. Non, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, t'as l'impression que. Tu sais. Qui est comme si t'avais. Oui, comme si t'avais. Ouais, voilà. Ouais, Nash nous a fait un mime très bon, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'à l'audio. C'était super, mais oui, c'est comme. Oui, comme si t'avais raclé un petit peu le pain, quoi. C'est ça. T'as jamais vu ça? Non, bah, je regarde pas sous mon sandwich, quoi. Bah, t'as tort, mon pote. Bah, t'as tort. Ils essaient de nous mettre. Je t'invite à le faire la prochaine. Ils mettent une capsule 5G dans le pain, donc. La Red Bull. Ah oui. Ah bah de la couille de taureau. Alors. De la taurine. Exactement. Ce serait du sperme ou de la pisse de taureau issu de ses couilles. Non mais c'est. Là c'est personne n'a jamais dit ça. Mais bien sûr que si. Écoute. Du sperme de taureau. Écoute. La pisse de taureau. Non, la Red Bull contient effectivement 0,4%. C'est ChatGPT qui a inventé ça. C'est Red Bull contient effectivement 0,4% de taurine, mais ce n'est pas l'ingrédient principal. La boisson qui donne des ailes contient aussi de l'eau gazéifiée, du saccharose, bon bref tout ça. Et en fait, la taurine n'est pas du tout un truc extrait des couilles de taureau. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Si d'ailleurs si, mais plus maintenant en fait. Non. Bah, avant, ça venait du taureau, mais c'est maintenant c'est synthétique. Alors, ça vient... Non, justement, c'est synthétique, mais ça vient du taureau, mais c'est pas de ses couilles. Ça vient d'une glande. Ça vient de sa bile. Non pas la bile du Big Deal, mais la bile du taureau. Oui, j'aime la ça. La bile du taureau. C'était un acide aminé qui était présente effectivement dans sa bile. Quoi, mais sauf que maintenant, je crois que c'est maintenant on faisait boire énormément, on l'emmenait à des concerts de métal et on chopait comme ça. Pour non, je crois que c'est de la. Maintenant, en plus, c'est de la taurine synthétique, je crois, dans le Red Bull. Maintenant, on consomme de Red Bull autour de la table. Moi, je suis pas du tout Red Bull. Moi, non. J'ai d'ailleurs jamais goûté, moi. Ah, voilà. Moi, j'ai goûté quand même. Pas si ouvert d'esprit que ça, quand même. Ouais, mais sinon. Non, beaucoup de personnes pensent qu'elle provient des parties sensibles de taureau. Bah, Guigui, c'est un mec de la night. Évidemment, le DJ là derrière ses platines. Oh là, attention, Red Bull et vodka. Red Bull et vodka. J'ai une anecdote à propos de la Red Bull vodka. Une fois, je mixais dans un club, voilà, et j'avais des tickets boissons. Et j'avais, je sais pas, 13 tickets boissons. Et je les utilisais en buvant 13 vodka Red Bull. Parce que j'étais complètement débile. 13 vodka Red Bull. Ah ouais. Attends, t'en as bu 13? Et en fait, quand je suis allé me coucher, j'étais réveillé par des spasmes. C'est-à-dire que mon corps s'endormait et mon corps il faisait. C'était horrible. Alors moi ça oui, ça funesse, horrible. Donc, moi ça ça m'arrive. Oui, funesse. Tu es funesse. Moi ça ça m'arrive quand je fais du sport trop tard dans la journée. Ah. Non, je joue au basket, genre, et je finis à 22h30, et après je vais me coucher et je, pareil, je suis réveillé par des spasmes, mon alors, corps a, qui bouge tout seul, a... et aussi je rêve que je joue au basket et du coup je suis réveillé comme un chien. Tu sais les chiens qui bougent leurs pattes en dormant. Alors d'accord, mais dans ce que tu racontes, il y a quand même un petit côté genre ton hygiène de vie est déplorable. Par contre la mienne est géniale. Ça m'arrive, c'est la même chose mais avec le sport. Voilà. C'est ça, ouais. Voilà. Avec le sport, toi c'est bon, voilà. Après, toi c'est excitant, il y a un côté. Enfin, ceci dit, autour c'est de la table. Moi c'est sinistre. C'est comme les chiens. Mais les chiens ils font ça, ils font des rêves où ils se réveillent. Oui, c'est ça, mais moi c'est ça. C'est genre, je m'endors, je rêve que je joue au basket. Et genre, la balle passe devant moi, et donc je tends le bras pour l'attraper. Et je me réveille, j'ai le bras qui fait comme ça. C'est très triste. C'est très très triste. Bon, quand tu dis que t'as une hygiène de vie déplorable, enfin, moi je vois autour de cette table deux authentiques DJ. Après, c'est moi qui. C'est vrai qu'on a deux DJ. Alors, autour de la table, il y a DJ. Je sais pas si vous en aviez parlé dans cette émission, mais en tout cas, moi je l'ai vu, j'ai vu mixer. C'était incroyable. Non, ouais. Non. C'était non, une si. Masterclass. J'étais sur scène avec lui, les gens étaient fous en fait. Ouais. Ouais, ouais, mais moi j'ai entendu oui dire qu'il était le GOAT de cette soirée. Le GOAT. Mais oui, on m'a dit que c'était le GOAT de la soirée. Mais pas du tout. Mais, si. Mais on en a parlé déjà. Non, on en a parlé, mais bon, ça va, on n'est pas là depuis un mois. On en met une couche. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez le revoir sur scène. D'ailleurs, ah, pas d'ailleurs Étienne, j'en profite parce que j'ai oublié de répondre à son vocal. Faut que je te rende ton contrôleur, effectivement. Si jamais j'oublie de répondre à son message d'ici une semaine. Parfois j'oublie les messages donc. Moi, faut si ma mère écoute aussi, pareil, j'ai pas renvoyé les photos de la petite, mais je vais t'en. Oh, t'as failli faire tomber ton ouais, verre. Ouais, c'est encore un spasme de genre, j'en profite, il y a Titouan du 78 qui m'a dit trop gueulerie ta vidéo. Bah, je te remercie, Titouan. Voilà. Celle en DM sur Insta, il m'a dit. La vidéo sur Combini. Allez. Il a ton visage dans un fromage. Allez. C'est un véritable roast. Le chewing-gum. Alors quoi ? Eh ben le chewing-gum, c'est quoi la légende urbaine ? Bah que si tu l'avales, ça te bouche le trou du cul. Alors. Allez. Alors j'avais pas le trou du cul. Ça te bouche les intestins. Faut pas l'avaler. Ouais. Faut pas l'avaler. Alors oui. Et ben ça c'est vrai, non ? Non, c'est une légende urbaine. De quoi ? J'imagine ça doit pas être dingue de l'avaler. Non, alors en fait, je vais vous expliquer de que ça colle. Oh, oh, oh, le chewing-gum. Non, le chewing-gum de l'avaler, ça collerait les intestins ou l'estomac. Oui, oui. Oui. Et ben c'est faux. Ah. Je te le dis, c'est une légende urbaine. Il faut savoir sauf que le chewing-gum mange 1000. Oui, ah oui. Le chewing-gum est noyé dans le liquide digestif et le plus souvent finit par rejoindre le bol alimentaire en cours de progression dans lequel il s'intègre. D'autant que pour des raisons mécaniques, et alors ça, ce que j'ai lu, je me suis dit, mais c'est évident quand je le lis. Il ne peut pas coller sur une surface molle. Regardez, quand vous mâchez un chewing-gum, il colle pas à la langue. Il colle ni aux joues ni, ni à la langue, mais aux dents. Réfléchissez deux pas secondes. Comme le sandwich au pain de mie qui se colle au palais. Ça, vous l'avez ce truc ? Ah oui, nous fais pas des extraits de ton stand-up pendant le. Ah c'est un véritable roast. Non, donc en fait, voilà le applaudissement qui a déjà eu le sandwich collé. Il a déjà eu le sandwich au pain de mie collé au palais, non ? Allez, je vais taper sur le prochain, merci à tous. Sur le client, non, je parle. Sur les aires d'autoroute là. Voilà. Le coca. Pardon. Coca, la légende urbaine du coca. Qui a de la cocaïne dedans. Alors ça apparemment c'était vrai. C'était au vrai début. Au départ ouais. Non, ils en ont arrêté en 1904. Si c'est vrai. Mais c'est que ça que les flics l'utilisent pour nettoyer les traces de sang par exemple. Oh, j'avais pas entendu. Il y en a 12 000 des légendes urbaines sur le coca. Moi c'est pas celle-là que j'aime. Que ça te dissout des trucs dans le. Exactement. Que si tu as une pièce ou une dent dans un verre. Oui, c'est vrai. C'est faux, c'est faux. Attends, j'ai vu la vidéo. Alors sur les pièces. C'est faux. Je peux pas tâter. Non. C'est quoi mais devant tout le monde. Non attends, ça ne dissout pas la pièce évidemment, mais ça la décape. Ça la nettoie. Oui. Et les bijoux aussi, ça les rend, ça leur rend leur éclat. Et on sent ça, non. Et oui, j'ai déjà vu dans une vidéo. Voilà, et également pour les canalisations, les gens mettent du coca parfois pour décaper les canalisations. Hein, le alors, peut-être qu'ils le mettent, mais alors est-ce que ça marche? Le calcaire, j'ai essayé, ça marche. Puis c'est plus cher que la tuile du desktop. T'as essayé? Merde, mais alors quoi? Attends, j'ai vu un truc, ils disent ouais, mais non. Bon bah écoute, non, mais voilà, ben non, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Le calcaire sur quoi? Alors je dis, je suis à moitié polonais. Non, bah écoute, je connais quand même ma life. Je t'avais dit que c'était vrai. Non mais t'as essayé sur quel calcaire? Sur les chiottes, quelqu'un des chiottes. Dans les chiottes. Tu mets du coca toute la nuit. Tu l'as fait ça? Ouais, ça marche. Et ça a marché, ça a marché. Ah, c'est logique. Je vais te dire pourquoi et je te rejoins. Parce qu'en fait, moi je mets de l'acide citrique en fait directement. Oui. Ah bah voilà. Mais en fait, il y a de l'acide citrique dans le coca, donc c'est logique. Et bah voilà. Voilà. Ah. Un petit tip pour nettoyer vos chiottes, coca. Mais en tout cas, ça ne dissout pas une pièce ou quoi que ce soit. Non, il faut savoir en tout cas qu'en plus le coca a une acidité totalement similaire au jus d'orange. C'est-à-dire si vous mettez du jus d'orange dans vos chiottes, ce sera exactement la même chose que du coca. Mais d'ailleurs, il y avait un truc aussi, genre si t'as la gastro, faut boire du coca sans bulle. Oui, ça on m'avait dit. Mais ça. Alors pourquoi? Je sais pas. Ah, tu sais, est-ce que t'as la réponse? Non, mais comme il sait tout, je sais pas, je te demande. Apparemment, il sait tout, donc allez-y. Je sais pas. Eh bah ben voilà. Ah putain, mais du coup, j'ai envie de savoir. Bah, attends, moi aussi, j'ai envie de savoir. Du coca sans bulle. Bah oui, j'ai entendu. Bah, c'est ce que ouais, ma mère, elle me faisait quand j'étais petite. Elle me touillait le coca. Coca sans bulle. Avec du riz. Alors, ça n'agresse. Alors, attendez, il a consommé sans bulle pour ne pas agresser la paroi de l'estomac, mais ça, j'entends. Alors, pourquoi il y a la température ambiante? Putain, mais il dit pas pourquoi le coca. Bah ouais, bah voilà, bah c'est que c'est faux. Bon. Ah oui, le coca permet de se réhydrater efficacement. Ça il apporte des sucres et donc des forces et de l'énergie à notre organisme épuisé par l'infection quand on a la gastro. J'arrive pas à parler. Il aide également à compenser le manque de calories lié au déficit d'apport nutritionnel. Oui, en fait, c'est comme de l'eau tu manges ultra sucrée. Ouais, c'est comme boire un truc ultra sucré. C'est fait, sur le site de Coca-Cola que t'as vu ça. Est-ce qu'il y a des légendes urbaines, vous, qui vous ont marqué quand vous étiez jeune? Toi, le fan de métal, t'as dû entendre là, ces fameuses légendes sur Marilyn Manson qui s'est coupé qui s'est cassé les côtes pour pouvoir se sucer. Bien sûr. Enfin, bien sûr. Évidemment, tout le monde la connaît. Non, il y avait un truc de. Il y avait un alligator dans les égouts aussi là. Ouais, c'était les Américains qui auraient mis des. Oui, oui. Non, mais. Non mais j'ai rien dit, continue. Non, non mais c'est tout. Après des légendes urbaines, non, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, il y avait à l'école, on m'avait dit que si il y avait pendant le bac, s'il y avait un élève qui mourait, on avait tous le bac. Vous aviez pas eu ça? Ah non, que je me rappelle. Ouais, c'était genre putain, s'il y a un gars qui. Ah que c'était genre un truc de l'éducation nationale. Ouais, d'accord, je pensais genre une superstition, mais non, c'était genre une règle. Ouais, genre s'il y a un élève de notre classe qui meurt en juin et qu'on va passer le bac deux semaines après, bah c'est bon, on a tous le bac. Est-ce qu'il y a pas des ados qui ont essayé de tuer quelqu'un? Je pense que rapport au bac, le mec, qu'est-ce que l'audace et ah oui, c'est une légende. Mais ça, tu sais que j'ai la réponse de ça. C'est une légende, ça. C'est une légende et ça vient même d'un film qui s'appelle Le Pion, je crois, avec Henri Guibet. Wow. Rabbi Jacob qui joue dans Visitors toujours. Et Visitors. Rabbi Jacob et Visitors pour faire un petit panel rapide. Avec Henri Guibet, Galabru et Claude Pieplu. Je fais bien. Je fais Claude Pieplu. La vie en dynamique. Et bah, y a un film qui s'appelle Le Pion. Et c'est là-dedans où il y a un mec qui met Qu'est-ce que l'audace et qui l'a 20 sur 20. Donc c'est un film des années 70. Et je crois que ça vient de là. Mais attends, peut-être que. En tout cas, dans ce film-là, il y a ça. D'accord, parce que peut-être que le film reprend une légende urbaine qui existait déjà. C'est aussi. Possible. Ah, c'est possible. Possible ça, oui. Mais ça, c'est l'œuf ou la poule. Et d'ailleurs, c'est un bouquin que sort Adrien bientôt sur les légendes urbaines. Ça s'appelle L'œuf ou la poule. Non, j'avais ça, toi, t'en as pas eu, Nash, des légendes urbaines, des trucs auxquels t'as cru longtemps. Genre, si tu louches trop longtemps, tu restes coincé. Oui, évidemment, bien sûr. Comme la branlette en sourd et tout ça, là. Oh ouais, c'est un truc. Oui, oui, si. Ah ouais. Oui, oui, bah non, mais rebondissez pas sinon, parce que ça, c'est encore plus chelou. Voilà, merci. Laissez un blanc, quoi, quand je parle. C'est sympa. Voilà, j'aurais pu le faire de chez moi, je vous ai renvoyé les. Sinon, les. J'ai envie de chialer. Elle s'est vraiment arrêtée, genre, waouh. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Guigui, de mauvaise humeur. Mais non, je suis de bonne humeur en plus. Oh là là. Non, non, mais il y avait aussi les seringues dans les sièges du cinéma, vous aviez pas. Ah oui, oui, et dans le bus également. Ouais. Et après, sur le compte, c'était dans les concerts de K-pop, en vérité, qui faisait ça. Ça s'est complètement arrêté, ça. Vous n'avez pas suivi? Il y avait une époque où les mecs, ils allaient à des concerts. Ils piquaient les et gens. Ils piquaient des gens. Et tu savais pas ce qu'il y avait dedans. Et genre, il y a eu plein de concerts. Mais attends, mais il y a pas longtemps. Le fameux truc dans les bars et tout. Oui, mais ça s'est arrêté, ça. Mais ça, c'est vrai. Et ça s'est passé parce que je travaille le week-end au Divan du Monde. Et ça s'est passé au Divan du Monde. Ils ont piqué des gens. Ouais, ouais, ça existe. Mais il y a eu une montée de ce truc-là. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Je sais pas si c'est arrêté. Ils font ça juste dans aucun but. Les gens sont pas bien et après il se passe rien de spécial. Ouais, c'est absurde. Eh, ce monde il marche sur la tête. Ouais, si vous pouvez me permettre un petit avis sur ce qui se passe. Ouais, Macron là. Vas-y, je m'en fous. La chatte, pas le climat, j'ai envie de te dire. T'as dit quoi? Moi la chatte, pas le climat. Bon. J'en reçois beaucoup. Non, mais parce qu'avec Adrien, on a parlé il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'il y a encore plus là avec les retraites. Il y a beaucoup de choses sur les. Maintenant, c'est tous les panneaux de manifs. Il faut que ce soit sur le cul, tu vois, à chaque fois quoi. Justement, oui, c'est vrai. Alors moi personnellement, si je peux me permettre de m'exprimer, je suis un peu saoulé par l'escalade de faut que ma pancarte soit marrante. Oui, j'en ai marre de ça. Ouais, j'en ai marre. C'est jamais marrant. Voilà. Ouais, j'ai envie de le dire. C'est, au bout d'un moment, bon allez, manifeste quoi. Fais, cherche des trucs. Moi, à un moment, ça veut plus rien dire. Mais la dernière fois, c'était écrit Macron, t'es dans la palmade. Non, j'étais là, bon allez. Non, mais ça veut rien dire. En plus, ça veut rien dire. C'est vraiment exploiter un drame. Ça veut rien dire. J'imagine les gens autour un peu gênés. Oh bah non. Ouais, là, du coup, non. Eh Macron, t'es un Daft Punk. Bon, quel genre. Merci parce que je l'ai vu à la radio sans casque et tout là. Allez. Ouais. Non mais franchement, je suis là. Ok. Ouais, non, moi je suis un peu comme toi. Voilà. Comme toi. Et toi, parce que tu t'as rien dit toi. Toujours du beau côté de la barrière. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? C'était la même chose de moi dans la dernière fois que t'es venu dans le Floodcast. Ah bah je m'avais marqué les mêmes bandes. Voilà. C'était un véritable roast. Trois fois. Ah vache. Alors les pancartes, t'aimes bien les pancartes? Oui, écoute, il y en avait des gauleries quand même. Il y en avait, oui, des, c'est ça, voilà. Faut pas faire les aigris. Ouais, il y avait, faut que les gens aient le spectacle. On est pas dans le spectacle. On est en pleine promo. Faut pas non plus. Moi, j'ai rien à manger. J'ai rien à foutre du coup. Mais c'est vrai que oui, c'est une pancarte. Je suis un peu d'accord avec toi aussi. Allez, allez, on se mouille pas trop. Il y en a des moins gauleries. Voilà. Je dirais pas lesquelles comme ça. Chacun croit que ça peut être un peu drôle. L'ex-président Donald Trump. Tu m'étonnes. Vous voyez, il est orange. Ce mec, oui, c'est dessus, c'est ça la légende urbaine. Oui, c'est pas, oui. Alors on est plus dans la légende urbaine, pardon. J'ai pas fait de yes, oui, bon, deuxième partie, ça va. Comment c'est pas. C'est pas, ça, c'est pas une légende urbaine, ça je te confirme. Qu'il est nul. Non, non, lui-même. Ah ok. Ouais, moi, je le trouve grave nul ce mec. Si vous pouvez me permettre un avis. Bon, vas-y, l'ex-président Donald Trump a comparu devant le tribunal de New York, vous le savez, mardi 4 avril 2023. Un fait rarissime pour un président, mais qui n'est pas le premier. Il y a un autre président qui a dû comparaître devant la justice. Je vous demande pour quelle raison cet autre président avait été arrêté. C'est pas Bill Clinton pour cette fait pomper le dard. Non. C'est pas un crime à ce que je sache. Attends, il a envoyé du sax, mais pour le coup, il a envoyé du sax. On est au bord de la falaise, on va peut-être tomber bientôt. Attention, on met les pieds. On est au. Alors, est-ce que c'est un autre président américain? On retient son souffle. Alors, c'est un président américain. Oui, c'est Bush. C'est pas Bush, alors c'est. Je vais pas vous demander, parce qu'en fait, je vais même vous le dire, il s'appelle Ulysses S. Grant. Bien sûr. Et c'est un chef de la nation très vieux. Bien sûr, à l'ancienne pour moi. DJ Abdel. À l'ancienne. Il a été un chef. Bah, blague de musicos. Je l'ai connu. Ulysses S. Grant, ouais, DJ Abdel, ok. Wow. Il a été interpellé en 1872. Ouais. 1872, vous imaginez à l'époque, il avait pas le web. Il avait fumé la moquette. Oh non, hein. 1872, il a été arrêté. Il a tué quelqu'un. Alors, il a pas tué quelqu'un. Il a volé. Il a pas volé. Il a. Ouh, non. J'ai pas fait. Il a été. Il a été grossier. Alors, il a. D'une certaine manière, mais c'est pas ça. Diffamation sur quelqu'un d'autre. Pas non diffamation. Il a pissé public urination. Non. Bah, c'est grossier, c'est pour ça que je me disais. Ouais, mais de là être arrêté. Eh bah, si, c'est un délit aux États-Unis. Ah ouais, t'as pas le droit de pisser dans la rue. Public urination, ouais. Peut te faire. Et c'est un groupe d'électro. C'est censé être un délit en France, mais ça ne prend pas. Ouais, ouais, mais parce qu'on est les gros ports. Ah ouais. Et pour éteindre les flammes, c'est pratique en ce moment. Première. Je peux dire. Oh. Ouais, bon. Mais c'est un peu la même branche que grossier, quoi. Non. Ah, non, okay. C'est un vrai délit qui est fait tous les jours, même toutes les heures, je pense. Il a pas traversé sur les clous. Non, mais on se rapproche du monde. On est. Ah, il a brûlé un feu, un truc de bagnole. Excès de vitesse. Très bonne réponse. Hey, c'est bon, toi. Mais en 1872. Bah, il a fait 20 km/h en calèche. Allez, le jour de son arrestation, l'agent de police William H. West est en service. Un peu plus tôt, une femme et un enfant viennent d'être renversés devant ses yeux. Plus tard, il aperçoit le président à vive allure et l'arrête. Je tiens à vous signaler, monsieur le président, que vous violez la loi. Votre conduite à vive allure, monsieur, donne exemple à nombre d'autres messieurs et met en danger la vie de piétons qui traversent, aurait expliqué l'officier. Cheval. Le président Grant présente ses excuses et repart à une allure modérée. Le lendemain, nouvelle patrouille pour le policier et vétéran de la guerre de sécession. Il voit le président Ulysses S. Grant repasser en trombe, cette fois-ci à une vitesse telle qu'il lui a fallu tout un pâté de maison pour s'arrêter, souligne le Washington Post. Le président affiche un sourire et qui le fait ressembler à un écolier pris en flagrant délit par son professeur. J'allais trop vite, aurait demandé Grant. Face à la mauvaise foi du président, le policier West ne se démonte pas. Je suis vraiment désolé d'avoir affaire à ça, monsieur le président. Tant que vous êtes le chef de la nation, je ne suis qu'un policier, mais c'est mon devoir. C'est bien. Je dois vous arrêter. Bravo. Il a été emmené au poste, s'est ensuite acquitté d'une amende d'environ $20, soit $20 de l'époque, donc en gros 400 euros, et a dû comparaître devant le tribunal, cité à comparaître, face à la mer, calopatie. Trop jeune pour moi. Ouais. Ce flic, on devrait lui présenter Darmanin. Oh. À sa décharge, ça doit pas être simple de contrôler la vitesse d'un cheval, quoi. Oui, c'est pas comme appuyer sur une. Oui, mais la question est précise. Il y avait un code de la route quand c'était les calèches et tout. Là. Bah, sans doute, apparemment, s'il y avait des exceptions. Tu peux pas dire au cheval à combien vous rouliez. Enfin, je fais ce que je peux. C'est vrai, c'est bizarre. Non, mais je pense qu'il allait vraiment très vite, surtout. Oui, je pense que du coup, c'est moins précis qu'aujourd'hui avec les radars. Tu vois. Il était au trot. Oui, c'est ça. Voilà. Au galop, les trop. Mais tu connais tous les termes, en fait, Nash. Mais je crois qu'il y a 20 minutes dans ton spectacle sur les chevaux, je crois. Complètement. Récemment, nous avons changé d'heure. On est pile dans l'actu. Dans cette émission, je peux pas vous dire mieux. Eh bien, au Liban, le changement d'heure a provoqué un beau bordel. À votre ah oui, je sais pourquoi. Parce qu'il y en a un qui a pas voulu changer. Il a changé. Non, j'ai sacré bordel. Il y avait deux horloges. Il s'est dit non, ça va changer. C'était quoi, merde. C'est son micro-ondes. Il a dit putain, c'est une heure de plus, une heure de moins. Non, mais le président, il a dit ouais, on change. Et finalement, on change pas. Et du coup, il a mis les deux heures pour ceux qui veulent changer et pour ceux qui veulent pas changer. C'est pas ça. Alors c'est ça. Je vais être un peu plus précis que ta réponse. Ça sera pas dur. Mais c'est un véritable host. Alors vous le savez peut-être pas, mais en fait en ce moment au Liban, il y a ni gouvernement ni chef de l'État. C'est un peu le bordel. Ah oui, voilà. Je l'ignorais parce que je suis un débile qui ne tient pas du tout au courant des choses. Jeudi dernier, le chef du gouvernement démissionnaire a décidé sans concertation de retarder d'un mois le passage à l'heure d'été. Alors pas de façon gratos, ce serait pour permettre aux musulmans observant le jeûne du Ramadan. Ah, de manger plus tôt. Bah c'est ça, de rompre une heure avant. Mais c'est pas au coucher de soleil le. Écoute, tu peux rompre le jeûne au coucher du soleil, non? De le rompre, je crois. Oui, donc c'est ça. Ça change rien. Bah si, parce que du coup tu dors plus. Bon, j'en sais rien. Écoute, bon, allez, c'est bon. C'est le monde. Ah, une décision ça change qui... pas l'heure à laquelle tu romps le jeûne, en tout cas. Une décision. Non, mais on peut débunker que les légendes urbaines ou aussi ce que tu dis. Excuse-moi. Ou le Liban, on peut débunker le Liban. Voilà. Débunkons le Liban. Guigui n'est pas polonais. C'est moi à 20%. Mais non, mais je pense que si tu changes l'heure du soleil, tu vas travailler plus tard. Enfin, tu vois, je pense que c'est peut-être plus simple pour plein de choses. Non, mais ça, d'accord. Une décision qui a fait un tollé chez les responsables politiques et religieux chrétiens. Ils annoncent d'un bloc de ne pas s'y conformer. Le pays se divise alors en deux, déclenchant de grandes perturbations ce dimanche, des vols internationaux à l'aéroport de Beyrouth, les compagnies ne sachant plus quelle heure donner à leurs clients. La moitié des chaînes de télé, des hôpitaux, des écoles et des banques sont passées dans la nuit de samedi à dimanche, d'autres pas, bref, c'est le beans. Ça n'a aucun sens. Ils ont qu'à donner l'heure au milieu, tu vois. Genre, ouais, la 17h30, puis bah, pour certains, ils auront une demi-heure d'avance, puis pour d'autres, ils auront une demi-heure de retard, puis voilà. Ouais, quoi. T'as la solution à tout, toi. Un citoyen du monde. Emmenez-le, là, envoyez-le un peu dans le monde entier, calmez tout ce beau bordel. Voilà, excuse-moi. Aux USA. Moi, j'ai des solutions hein, pour la réforme, là. Peut-être 65, 63, allez, 64. Non, 60 et puis bah, t'accélères riche quoi. Oh là là, aux USA. Je suis prêt à danser pour le dire. Aux USA, la mère d'un jeune homme de 15 ans a lancé un appel à l'aide et a été entendue. Une grande mobilisation incluant Reebok, Shaquille O'Neal, Puma, le directeur d'Under Armour a permis d'aider le jeune Eric Kilburn, à votre avis, à faire quoi? Par rapport au basket. Il est handicapé. Il est pas handicapé. J'étais sûr là-dessus aussi. Ouais. Mais c'est un rapport avec le basket du coup? Non. Ah. Le basketball, tu veux dire? Il s'est fait, il a été exclu d'une équipe. Non. C'est un rapport avec le sport quand même? Non. Un rapport avec son école? Pas avec son école. Des avec ses camarades? Non. Peu avec ses fringues. Des vêtements, des baskets, des baskets? Des chaussures. Baskets. Il n'a pas de pieds. Si, il a des pieds. Là, c'est possible, mais ça existe, pardon. Oui, mais il n'a pas de. C'est pas sa taille. Il jamais sa taille. Il a des pieds, mais difformes. Alors. D'une certaine manière. De très très grande. Il a des pieds très très grands. Ah ouais. Il chausse tout simplement. Du 60. Du 65. Oh la vache! C'est très grand. On est sûr que c'est pas ses tibias. Il a les genoux qui se plient dans le sens. C'est mes pieds, pardon. Mais du coup, il doit avoir des très grands avant-bras. Parce que tu sais, la taille de ton pied, c'est la taille de ton avant-bras. C'est une légende urbaine, ça. Ah non, je pense pas. Ah ouais, tu penses? Oui. Essaye. Et là, tout le monde, si vous êtes en voiture, essayez pour voir. Paraît-il que votre pied, c'est la taille de votre coude à votre poignet. Ah putain, je savais pas. Paraît-il que ta taille, normalement, c'est de ton majeur jusqu'à ton majeur quand tu tends les bras comme ça. Quoi donc ? C'est vrai. Oui, mais c'est aussi faux l'un l'autre. Ah bah excuse-nous alors. Excuse-nous, nous les petites gens, on sait pas tout ça, tu sais. On est. Non, mais excuse-nous, Adrien. Allez. On enchaîne. Merci à toi. C'est un véritable roast. Putain, on fait ce qu'on peut nous. À chaque fois qu'on dit un truc, il est là-bas, c'est faux. Voilà, vous êtes des merdes. Non, moi, je connais pas rien. Vous, l'envergure des gens, ça varie énormément. Oui, bon. Regarde les boxeurs, ils font la même taille, ils ont des allonges différentes. J'y peux rien. La nouvelle chronique d'Adrien. J'y peux rien. C'est dans l'heure des pros, c'est ma petite chronique dans l'heure des pros. Ouais. J'y peux rien si c'est vrai. Excuse-nous quoi. Donc en fait, excuse-nous de croire à des choses après. Il possède pour le moment, enfin à l'époque, il possédait que 5 fois la même paire de chaussures, des baskets Nike jaunes, nichées dans un magasin de déstockage, mais qui était même pas vraiment à sa taille, qui était un peu petite. 65, mais il fait quelle taille surtout? Il fait 2m5. Et quel âge il a? Il a 14 ans. 15 ans. Oh. Eric n'est pas un sportif professionnel, donc les marques de basket n'ont pas prévu d'en fabriquer rien que pour lui. Quant à faire des chaussures sur mesure, il faut payer minimum $1,500 la paire. impensable pour la famille d'Eric. La marque de basket Reebok a décidé, suite à l'appel de la maman, de lui filer un coup de main et lui envoyer 5 paires de baskets qui avaient été faites à la base pour le basketteur Shaquille O'Neal. Eric était fou. Il doit avoir des très grands pieds. Eric était fou de joie. J'ai été inquiet pendant tellement longtemps en me demandant comment j'allais faire quand je ferai du 65. Ça signifie tellement pour moi avoir des chaussures qui ne me font pas d'ampoule ou qui ne font pas mal aux pieds. Shaquille O'Neal a même envoyé un message à Eric pour le soutenir et lui donner des conseils. Mais est-ce que tu dirais que pour lui c'est le pied du coup? Allez. En tout cas, il a trouvé une chaussure à son pied. Ah oui, il a trouvé une chaussure à son pied. Allez, mais ça chacun une, chacun une à toi. Si j'ai. Attends, Shaquille O'Neal, il lui a envoyé un mot. De quoi il se mêle? Oui, il se mêle. Ça, c'était pas lassé. Il s'est pas lassé. Oui, vous êtes vraiment bon. On arrive. Mais bon. On va pas la tweeter, mais bon. En tout cas, Languette suit son cours. Oh dans cette histoire. Oh, oui. Il est reparti du bon. Moi, on fait un peu la paire, tous les quatre. Oh, non, mais bon, voilà. Ouais. Non. Mais il se mêle de quoi? Ça marche pour lui. Allez, on enchaîne. La meuf qui oublie le plus vite les blagues Adidas au monde. Il a Puma l'au pied. Cela dit. Donc oui, Shaquille O'Neal peut envoyer un message. Puma veut lui faire des chaussures à sa taille au prix d'une paire normale. Bah c'était pas à Reebok. Non, Reebok, ils lui ont filé des chaussures Puma. Et nous aussi, on en fait, mais tu payes. Bah, moins bien, Puma, du coup. Et Under Armour également va lui faire des chaussures. Le directeur d'Under Armour est même venu en personne scanner les pieds du jeune homme. Il cherche le buzz, là. Il a halluciné. Under Armour, c'est quoi? Under Armour, tu sais, c'est les trucs un peu des mecs qui font du sport, là. C'est la marque de Stephen Curry. C'est Under Armour. Babyface. Steven, on dit. Ouais, comme tu veux. Et donc, le président d'Under Armour a halluciné devant ses pieds. Il dit, c'est le plus grand pied que j'ai jamais vu. Je fais ce métier depuis 30 ans et je n'ai jamais vu un pied de cette taille. Quel immense pied. J'imagine dire ça devant le gosse. C'est incroyable ce pied là. Oui, bon bah, je suis pas un phénomène de foire non plus quoi. Vous étiez censé scanner mon pied, déjà vous l'avez juste pris en photo avec votre téléphone. Bon. En faisant un selfie à côté du pied, en faisant semblant de tenir le pied entre vos doigts. En vous bouchant le nez. En vous bouchant le nez. Oh mon dieu. Vous avez fait un boomerang pour dire oh là là l'odeur. Bon bah. Et le pire dans tout ça, c'est que vu qu'Eric n'a que 15 ans, ses pieds vont continuer oui, à c'est grandir. Ce que non, il avait 14 ans au début de l'histoire. Après, bon voilà. 15 ans, j'ai dit. Non, t'avais dit 14. Ah, j'ai dit 14 ans. Depuis le temps, il vient de fêter son anniversaire là, depuis qu'on parle. Eh mais il va faire quoi? Du sang? Non mais. Non mais imagine. Et c'est quoi dans le Guinness Book, c'est quoi les plus grands pieds? Eh ben je me suis dit tout de suite. 114. Non, j'ai inventé. Du monde. Vas-y, on essaie de donner une taille, vas-y. Allez, vas-y. Ok. 89. Est-ce que vous pouvez me dire en centimètres, s'il vous plaît? Parce que j'ai, là, je l'ai, mais en centimètres. 89. Ouais. Non, moi, je pense que c'était Robert Wadlow. Bah oui, le plus gros du monde. 1m112. 2m72. J'imagine. 1m82. Vraiment juste, genre. Le monde a changé. 2m72, je crois, c'est sa taille, non? Et 2m80, je pense, un truc comme ça, non? Je crois que c'était. Il me semble que c'était 2m72. Donc, je pense que sa taille de pied, c'était, bon, du 79. Oui, mais lui, il va en centimètres, lui. Ouais, je suis désolé, j'aimerais du centimètre. Non. Ouais. Ah si, c'est bon, j'ai la pointure. Bah non, mais c'est plus petit que le gars. Bon, allez. Bon, c'est un fiasco. News suivante. C'est vrai, c'est un fiasco. Allez, de toute façon, tout est faux, hein, sans doute, depuis le début. Je vérifie rien. Hein. Anna Obrega est une actrice de telenovelas, mais c'est aussi une maman. Obregado, la famille. Obregado. Comment il s'appelait, lui, déjà? Oh, merde. Obregado, la famille. Ah oui. David Carrera. Voilà. Yes, putain. Wow, je connais même pas. Bon, oh, le DJ. Le DJ, donc Anna Obrega est une actrice. Attends, Delpech, tu connais quoi? Bon, allez. C'est un roast. Une troisième chanson de Sheila, peut-être? Polnareff. Troisième chanson de Sheila, bien sûr. Oui, les copains, je vous oublierai jamais. On s'est serré les doigts. C'était trop loin. Anna Obrega est une actrice de telenovelas, mais c'est aussi une maman. Son deuxième enfant est né il y a peu et présente une certaine particularité, à votre avis, laquelle? Physique? Pas physique. De son existence même. Ah. C'est un hologramme. Elle a accouché d'un hologramme. Ouais. Il est né cette année? Il est né cette année, exactement. C'est le premier enfant né cette année dans le monde. C'est-à-dire qu'il est né à minuit pile, non? Il est né avec le Covid. Mais pas mal. Bonsoir. Bonne idée, mais non, il est pas né avec le Covid. Et c'est juste son existence même? Ouais. C'est le seul bébé qui quelque chose. Non, c'est pas non, ça. C'est pas vraiment ça. Je peux vous donner des petits indices. Petit. Tout petit. La comédienne, par exemple, a 68 ans. Ah, je sais donc, ce que c'est. Alors, il a une barbe. Il est né avec le sperme de son fils décédé. Très bonne réponse. Adrien vient de vomir dans sa bouche. Alors, son fils, il avait congelé son sperme. Et la mère du fils, elle s'est mise enceinte avec le sperme de son non, fils. Non, c'est pas vraiment ça. Ah bon? Oula. Là, tu vas vite en besoin. Je vais y aller, moi. Non, sinon, ça serait un petit bébé un peu. Bah là, on est sur rien. Ouais, consanguinité, là. Non. Puis même bizarre, quand même. Ça reste un peu bizarre parce que. Alors, je vais vous expliquer. Ok, vas-y, vas-y. La comédienne s'est rendue aux États-Unis pour un recours à la gestion pour autrui. Gestation, j'imagine. Consistant à faire porter son enfant par une autre femme. Cette dernière étant interdite en Espagne, Ana Obregón. Ah, elle est espagnole? Oui. Telenovelas. Ouais, bah c'est mexicain aussi, c'est pour ça. Oui, bah là, elle est espagnole. Cette nouvelle maternité, cette nouvelle maternité est aussi joyeuse que particulière, puisque comme la star l'a indiqué, le bébé qu'elle a adopté est l'enfant de son fils, mort il y a 3 ans. Mais... Et il y a plusieurs décennies, Alessandro Lecchio Junior, le fils unique d'Ana Obregón, apprenait qu'il était atteint d'un cancer. L'homme de 25 ans, à l'époque, s'était rapproché des meilleurs médecins pour lui trouver un traitement. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé aux États-Unis où il était suivi au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, où il a fait congeler son sperme pour multiplier ses chances de devenir papa. C'est ça. Quelques années plus tard, même 30 ans plus tard, il meurt d'un cancer à l'âge de 57 ans. D'accord ? Ok. Comme tous les parents du monde. Donc elle a 11 ans de plus que son fils ? Bah non, parce qu'elle a fait le bébé plus tard. Enfin, il est mort, elle a pas fait le bébé juste quand il est mort. Elle a fait ça plusieurs années après. Il y a un petit truc temporel bizarre. Comme tous les parents du monde, Ana Obregón a été anéantie par la perte de son fils. Elle qui lui avait fait la promesse de le sauver du cancer, elle n'a pas réussi sa mission. Sur Instagram, elle avait alors pris la parole pour indiquer qu'elle ferait tout pour lui apporter la descendance dont il rêvait avant de mourir. Donc en gros, elle a. Moi j'ai rien compris. Elle a pris le sperme de son fils congelé. Qu'elle a mis dans une dame. Pas elle. Et elle a adopté l'enfant sur une mère porteuse. Okay. Et elle est devenue la maman de son petit-fils, quoi. En ouais, gros. Voilà, ah, c'est oui. ça. Moi j'avais lu l'article, je croyais que c'était. D'accord. Ah, bah t'es un malade, mon ça pote. Va, je suis un zinzin. Moi. Mais c'est quand même un peu particulier. En tout oui, cas, mais on ça est... va. Ça oui, va, c'est, bah, moins... c'est pas un petit consanguin, c'est ça, c'est ça. C'est moins gaze que ce que je pensais. C'est vrai. Oh, employé à bon escient. Oh là là. Ah, ça va vite, ça fuse. Employé à bon escient. Bravo. J'aimerais bien un petit jingle employé à bon escient. Employé à bon escient. Hélène Delépine. Elle a un talent, un don même, hors du commun. Interviewée par Paris Match Belgique, elle est capable de faire quelque chose d'assez dingue. Je vous demande quoi? Alors, avec son corps? Pas avec son corps. Sa voix? Pas avec sa voix. Son cerveau, du coup. D'une certaine manière, mais c'est large comme. C'est large. C'est vrai que, globalement, on fait tout avec notre cerveau, quoi. Oui, bon. Vous avez raison, que... donc. Voilà. Oh, quel bébé chouineur, lui. Bébé pleureur, là. Allez, enchaîne. Avec. Alors attends, pas avec son corps, pas alors, avec sa voix. Je peux vous donner un indice, c'est quelque chose auquel Adrien va assez peu croire. Voilà, je tenais à vous le dire. Elle a des dons extra lucides. Alors, oui. Bah, c'est bon. Elle voit l'avenir? Non. Elle voit dans le passé, elle lit dans les pensées des gens? Alors, elle peut entrer en contact avec quelque chose. Avec des morts? Avec les morts. Les animaux morts? Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Bien sûr que non. Son but, secourir les. Alors déjà, je vais vous dire, elle peut est capable d'entrer en communication avec n'importe quel animal, mort ou vivant, en se basant sur une simple photo. C'est bizarre que j'ai plus de mal à croire à vivant que ouais, mort. Moi aussi, ouais. Tu dis, oh, c'est tiré par les cheveux. Vivant, non, impossible. Ah ouais? Je en regardant la photo du chien, elle peut lui parler? Ouais. Mais oui. C'est comme la meuf d'Audrey Pirot, là. Enfin, la meuf qu'Audrey Pirot. Mais c'est déjà vivant, pour le coup. Oui, oui, mais c'était ça qu'elle faisait. Mais elle l'écoutait, elle le faisait aboyer au téléphone, quand même. Je crois pas. Hein. Ah ouais? Il me semble pas. Non, après, elle envoyait un vocal pour parler au chien. Parce qu'Audrey Pirot, donc une amie à nous, qui a des soucis avec son chien, elle avait cru bon d'avoir recours à une meuf qui, justement, lisait dans les pensées des chiens à distance. En fait, tu lui envoyais une photo de ton chien, et après, t'envoyais un audio sur WhatsApp. Où elle parlait à la place de ton chien en disant bonjour, je suis triste, machin. Bon, voilà. Moi, ça m'en foudrait de donner de l'argent à ces genres de personnes, mais voilà. Originaire de Charleroi, l'experte a écrit plusieurs livres sur le sujet et propose également des formations dans le domaine pour tous ceux qui aimeraient essayer cette discipline peu répandue. On peut se chauffer avec Adrien contre un Patreon. Alors, moi, j'allais dire Babor, parce que Babor, il fait ça en ce moment. Oui, oui. J'ai vu qu'il allait à une conférence de scientologue et tout ça, quoi. Ah, bah, faut qu'il donc, le fasse. Go Babor. Je reçois toutes sortes de demandes, par exemple, d'essayer de comprendre pourquoi le comportement d'un animal se met à changer soudainement ou bien lorsqu'il arrive en fin de vie et que les propriétaires veulent son accord pour le laisser partir. Je transmets les messages tels que je les reçois et les personnes sont toujours touchées en plein cœur. Bah oui. Je pense que la meuf elle dit toujours oui à mon avis. Oui oui vous pouvez me tuer, oui oui. Lors de ces communications, tous les sens d'Hélène sont mis en alerte. C'est comme un film, je vois et j'entends les choses. Il y a également un énorme ressenti, je sens par exemple dans mon corps la douleur d'un animal s'il est malade. Oui. Donc ça, je me demande s'il est castré et tout, est-ce qu'elle sent ces trucs-là. Je dois me mettre en condition, me connecter, m'ancrer à la terre et j'écris tout ce que je vois. Il faut se méfier, en revanche, elle déplore le nombre de charlatans qui tentent à leur manière d'exploiter le filon. Il faut se méfier des personnes qui font beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux. C'est de quoi dégoûter les gens et ternir cette noble profession. C'est juste qu'elle ne sait pas utiliser Insta, quoi. Elle dit, oh, non, mais les gens sur les réseaux sociaux, c'est nul. Hein. J'arrive pas à me connecter, en fait. Mais pour une séance, Hélène Delépine demande 50€, même si cela lui arrive souvent de faire travailler, gratuitement lorsque les gens n'en ont pas les moyens. Mais mec, je suis en train de me demander si c'est pas la meuf. C'est possible. Hein. Faudrait, parce que elle a d'ailleurs déjà été amenée. Elle a d'ailleurs été amenée plus d'une fois à aider des vétérinaires dans le cas, par exemple, où poser le diagnostic se révèle difficile. Waouh, mais non. Incroyable. Ouais, c'est, est-ce que vous êtes déjà allé voir des voyantes ou des numérologues ou non, c'est des trucs. Toi, Nash, c'est pas non, un truc qui parle. Non, je crois pas. Non, mais j'aime bien regarder IDF1, ça me fait marrer. C'est quoi sur IDF1 C'est quoi et les... Ah, l'astro Center. Ouais, ah ouais, l'astro là. Ouais, ils sont face cam, il y a un décor derrière avec des étoiles et tout. Et ils ont des cartes et ils font « Oui, vous nous appelez d'où ?» Et du coup, ils font la voyance en direct. Ah, et ça me fait rigoler. Ouais, mais c'est un truc qui te parle pas du tout. Non. Ouais, moi j'ai un truc vraiment de... Moi, c'est des longs débats que j'ai fait avec ma déjà, mère. Moi. Déjà que tu me dis... j'arrive à voir ton avenir, je te lis dans une boule de cristal, etc. Déjà, ça, j'y crois moyen. Mais j'arrive à comprendre ton chien mort et je vais parler à sa place. Bon, allez, avec une photo, hein. Ouais, avec une photo. D'ailleurs, elle dit une fois, j'ai communiqué avec une oie qui était morte depuis plus de 60 ans. Ça, c'est marrant, par contre. Mais du coup, moi, c'est l'animal le plus agressif. Mais du coup, c'est ça. Moi, je serais curieux d'avoir. Qu'est-ce que tu veux ? C'est Pascal le grand frère, en fait. Non, tu parles pas ! Je suis mort, laisse-moi tranquille, je suis mort. Avec une oie, mais putain. Et donc, je serais curieux d'avoir l'avis d'une oie sur la politique d'il y a 60 ans, quoi. Tu et vois. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a demandé. C'est-à-dire que quelqu'un a dit, tu peux appeler mon oie, là, que j'aimais bien. C'est un délire. Peut-être elle l'a fait juste pour sur son temps libre, tu vois. Elle est tombée par hasard sur une vieille photo d'une oie. Mais c'est ça que je me dis, moi. Sur une carte postale. Ah, tu vois. Mais tu sais, moi, j'achète des livres pour ma petite où c'est des animaux, pour les bruits, les machins. Du coup, est-ce que dès qu'elle ouvre un livre et qu'elle voit un animal, elle fait, oh putain, et genre, elle peut communiquer avec lui. Oh, Daniel. Oh, c'est Daniel. C'est trop bizarre. Genre, elle regarde la jaquette de Babe 2, elle peut parler au cochon, tu vois. Non, mais c'est un pouvoir de ouf. C'est juste quand tu regardes une photo. Moi je trouve ça incroyable. Ah, t'as vu de Beethoven. Mais oui, ouais, c'est ça. Elle peut faire un bouquin sur les vedettes, quoi. Enfin bon, bref. Ça en Dalmatien se fait beaucoup. Ouais, c'est ça. 50 Cent. Oh bah oui. 50 Cent, vous voyez qui c'est? Bah je connais. Ouais. C'est le rappeur. Bah, j'étais auteur pour Rap Jeu, donc. Excuse-moi, j'ai ouais, c'est vrai cher, ça quoi. En plus. Ouais. Trois chansons 50 Cent. PIMP. Oui, Candy Shop Club. Et Candy Shop. Bah voilà, ça va vite. Ouais, allez. 50 Cent a porté plein de contributions. J'en ai dit une sur les trois. Mais parce qu'il a répondu à ma place. Mais parce que j'étais excité, j'avais envie de jouer. Ça me va. 50 Cent a porté plein contre une clinique de chirurgie esthétique. Les deux parties ont finalement négocié et trouvé une solution à l'amable. Mais pour quelle raison? Bah, j'imagine quelqu'un a voulu se faire la tête de 50 Cent. Patrick Sébastien. Je me suis fait la tête de 50 Cent, c'est génial. Quoi, on n'a pas le droit? Bah, c'est une blackface en fait. Oh, ça va les wooks. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire les wooks. Je suis en ma bite. Ouais, ça va là. C'est bon là. C'est une eau de la déconne. On va nous interdire l'apéro bientôt. Non, attends. Les bobos là. Un chant en album. J'ai écrit un chant en album. Je viens de faire 4 phrases d'affilée où je me dis que c'est 4 titres de chansons là. Donc non, alors cette personne s'est fait. Patrick Sébastien ne s'est pas fait la tête de 50 Cent. Est-ce que ça a rapport avec 50 Cent qui se plaignait de la clinique? Ou c'est un truc que... Ah oui, est-ce qu'il a été client, tu veux dire? Alors, il n'a pas été client. Voilà, ok. Est-ce que quelqu'un de proche de lui a fait appel à... Non. Son chien mort? Non. sa compagne qui a été client? Non. Personne de l'entourage a été client de la clinique. La clinique. Cent, il a porté plainte contre la clinique. Ouais. Il Parce a dit que... non. Vous faites pas. Est-ce que... Ils ont utilisé son image pour quelque chose. C'est une très bonne réponse. J'ai besoin d'une pour petite... les pecs, pour les pecs. Pas pour les pecs. Son corps ou sa tête? Son corps. Son ses corps. Abdos. Ah, pour les tatouages. Ils ont dit, on peut non, non, pas les abdos, pas les tatouages. Les cuisses. Pas les cuisses. Les tibias. Pas les biceps. Les deltoïdes. J'aimerais vous rappeler. Le huc. Nous sommes dans le floodcast. J'aimerais vous rappeler. La bite. Arrête. Attends, il y a des photos de la bite de 50 Cent non. Qui existe? Non. Ah bon, d'accord. Et attends, c'est Patrick Sébastien qui s'est fait faire la bite de 50 mais Cent. C'est pas hyper français. Mais ils ont mis la photo de 50 Cent pour exemple. Pour dire. Genre, vous voulez la bite de 50 attends, Cent? Ouais. C'est possible. Mais comme dans les, comme dans les salons de coiffure, quand tu vois une peucou, je dis ouais, c'est ça. Quand tu vois à Château d'Eau, il y a Lida Chris et Rihanna. C'est pareil, c'est la bite à Mutisane. Moi, quand j'étais petit, t'avais carrément un catalogue. Il t'amenait un catalogue avec des. Oui, des photos dedans et tu disais, ah, cette coupe-là, elle est bien. Mais moi, je me souviens, même, je venais avec des magazines en disant, j'aimerais cette coupe de cheveux. Il fait, bah, c'est Brad Pitt, malheureusement. Donc, moi, je peux faire la coupe, mais. Je peux faire Olivier de Benoît, Max. Et c'était 10 ans avant qu'il perce. Super sort de coiffure. Donc, utilisation de son image effectivement pour l'agrandissement du pénis. Attends. Mais comment ils savent qu'il a un gros pénis? Oui, je vais vous raconter. C'est juste raciste du coup. Il a sans doute une grosse bite. On va pas se mentir. Allez, venez. Alors, déjà, apparemment, il le dit dans les chansons qu'il a une grosse bite. Du coup, on est sûr que c'est vrai. Alors. Parce que les mecs disent rarement qu'ils ont une grosse bite, donc franchement, ça doit être vrai quoi. Il y a quelques mois, 50 Cent portait plainte contre une clinique de chirurgie esthétique de Miami pour utilisation frauduleuse de son image. En effet, Angela Kogan, chirurgienne et patronne de cet établissement baptisé Perfection Plastic Surgery, a utilisé une photo prise avec le rappeur lors d'un événement pour faire la promotion de ses services d'agrandissement du pénis. Et elle a dit qu'il a été. Et elle a dit il est venu parce que regardez, je suis avec lui à côté et il est venu à. À se faire agrandir. Il a une grande bite grâce à nous quoi. Grâce à nous. C'est nous qui avons agrandi sa bite. Ah, il s'est fait agrandir ça. Or, l'artiste se défend non seulement d'être venu dans cette. Dans cette clinique, mais aussi d'avoir eu recours à une telle intervention. Mais il faut savoir qu'en février dernier, le rappeur et homme d'affaires était déjà parvenu à un accord à l'amiable dans son procès avec un media people qui s'appelle The Shade Room, qui avait également dit qu'il avait eu une opération d'agrandissement du pénis. Et en fait, c'est une rumeur qui est en train de prendre aux États-Unis sur le fait qu'il aurait fait agrandir son pénis et tout le monde est en train de faire son beurre là-dessus. Et à chaque fois. Ça finit toujours à l'amiable. À l'amiable, voilà, ouais. C'est ça. Donc. Ouais, ouais, un partout, quoi. Restons sur cette petite rumeur. Ah ouais. Une femme est allée voir un gynécologue car elle se plaignait d'une sensation étrange. Qu'est-ce que les médecins lui ont diagnostiqué? Elle était enceinte? Alors elle n'était pas enceinte. Elle avait quelque chose dans le vagin. Elle avait un truc dans le vagin. Un tampon? Pas un tampon, plutôt un animal. Ah non. Un animal? Non, mais un insecte. Un insecte. Un cafard. Un cafard. Oh. T'es évidemment un détraqué d'avoir trouvé aussi vite, mais. Mais bravo! Mais ton cerveau est allé très vite vers ça. Elle se sentait agitée, était en sueur et avait été incapable de dormir la nuit précédant son passage à la clinique. Après analyse, les médecins, plutôt stupéfaits, ouais, j'imagine, lui ont appris qu'elle logeait un insecte mort dans son vagin. Ah, mort? Ouais. Ah, bah. Et c'est vrai, je me suis dit pareil, c'est moins pire, oui. Alors que ça reste atroce. Mais oui, mais. C'est-à-dire que. Non, mais il est mort dedans, ça veut dire. Oui, il est mort dedans. Oui, je pense qu'il est mort dedans. Il est arrivé, hein. Il m'a étouffé. C'est une belle mort. Et Patrick Sébastien, ça. Chanson, la belle mort. Quand j'ai introduit le spéculum, j'ai pu voir que c'était un insecte et j'ai dû sortir quelque chose comme un cafard, expliquer le docteur Marco Cali. Quelque chose comme un cafard. Ouais, mais il était moins. Il est pas merde, j'ai pas le. Entomologue. Ça veut dire quoi? Entomologue. Quel est le. Entomologiste? Entomologue? Entomologiste. Qu'est-ce qu'on cherche? Il connaît le spécialiste des insectes? Ah. Ouais. Ah, le spécialiste des insectes, l'entomologiste. Oh, voilà, okay. Pas mal. Vous êtes très cultivé, bravo. Mais il est. Ce mec-là, c'est un puits de science. Hein. Ah oui. Prends un petit saut, là, balance-le lui, là. Balance-le. On prend un petit peu de science. Vas-y. Jette une pièce. Fais un vœu. Porte bonheur. Et j'aime bien la fin, c'est selon les éléments divulgués, la patiente venait d'une zone rurale. Parce que c'est la fin de la phrase. Ouais. Non, la fin de la phrase, c'est bien. Vagin toujours, savez-vous ce qu'est le chrysétome? Le chrysésquerre, je connais moi. Avec le vagin. C'est un rongeur, je vous le dis, je vous donne la réponse. C'est un rongeur dont la femelle a une particularité au niveau de son vagin, je vous demande lequel. Le vagin, c'est. Il n'est pas placé à l'endroit du vagin. Genre, il est sur le front, par exemple. À un autre endroit. Pas du tout. Pas il, du a, tout. Il a une forme particulière? Non. En tire-bouchon comme les canards? Non. Il fait la moitié de son corps? Non. Il a un clapet? Je sais pas. Comme une chatière. Ouais, bah, un truc. Non, ce n'est pas ça. Enfin, c'est pas ça, mais tu t'approches par rapport aux autres réponses. Ah. Est-ce que c'est. Genre, c'est un cloaque? Donc c'est le même trou, c'est trou de balle, non, vagin, non, c'est la non, même non, chose. Non. Ouais, non. Non, parce que les poules, c'est ça. Pardon. Non, merde. Mais je le dis, je suis un vulgarisateur, c'est trou de balle, c'est vulgarisateur, putain. J'ai une chaîne YouTube. Merde, on est où là? Oh là là. Pardon, c'est juste la fois. Bah les poules, c'est ça. Oui. Bah les poules, elles bah, ont. Bah les poules, c'est ça. Elles ont un cloaque. Il y a voilà, tout qui va du même endroit. Bon bah voilà. Il y a un trou pour tout. Bon. C'est le slogan des poules. C'est ça, les poules, un trou pour tout. Non, c'est elles ont une capacité avec leur vagin. Elles peuvent attraper la bite. Non, elles ne mangent pas avec leur vagin. Elles peuvent attraper la bite. Elles peuvent pas l'attraper. Elles peuvent juste la chatouiller. Juste la chatouiller. Karaté avec la mouche. Et les baguettes là. Elle l'attrape comme ça. Non. Monsieur Miyagi. Miyagi. Miyagi toi. Miyagi. Non mais c'est une anecdote. Miyagi Pop. Oh là là. Ça me régale ça. Ça, ça me régale pour de vrai. J'ai des frissons. Miyagi Pop. Nash, une idée. Écoute, le clapet, ça se rapprochait. Le clapet, ça se rapprochait. Elle a une capacité avec son vagin. Elle peut le refermer, genre. Très bonne réponse. Un peu ensemble, j'ai l'impression. C'est un travail d'équipe ou je rêve? Je rêve pas du tout, moi. Je suis les yeux grands ouverts. Elle peut le fermer et le rouvrir à loisir. Bah, c'est ce qu'il avait dit à peu près, quoi. Non? Non, mais. Elle a une porte? Non, pas tout à fait. Oui, bon, c'est un peu pareil. Elle peut le fermer. Alors, mais d'un truc assez précis, c'est quand elles ne veulent pas de gosses. C'est-à-dire que c'est vraiment lié aux hormones. Mais ah oui, donc c'est en fait, c'est du. Qui se souvient du nom de l'animal dont on parle? Le poule. Non, c'est un rongeur, mais. Elle a pas dit la poule, ouais. Le poule. Bon, allez. On n'est pas aidé. Le poule. C'est un rongeur, mais j'avoue que j'ai oublié. C'est un rongeur. Le chrysétome. Le chrysétome. C'est parce que c'est toi qui t'en souvenais pas. Chrysétome. Ouais, bien joué. Chrysétome. Il y a cet homme. Rien à voir. Donc, oui, habituellement, ce qu'on va transmettre au cerveau au niveau hormonal, l'émission d'hormones qui indique que leur reproduction est acceptée ou non. Là, cela se fait physiquement au niveau morphologique. Leur utérus est plus petit et leur orifice vaginal se referme tel. Voilà. Rideau. Rideau. Le big deal, on y revient. En Inde, Ashu a assassiné sa tante de plusieurs coups de couteau afin de lui dérober argent et bijoux. Mais comment diable s'est-il fait choper? Il a. Alors, un truc avec les réseaux sociaux? Non, pas les réseaux sociaux. Un singe l'a dénoncé? Non mais il y a beaucoup de singes. Il a volé des bijoux. Il a volé des bijoux et de l'argent. C'était la réponse ça parce que c'était la question. Non bah. Ah, oui, d'accord. Comment il s'est fait choper? Bah, il a volé les bijoux. Oui. Il est sorti. Il les avait sur lui. Il brillait trop. Il a essayé de les revendre. Il a passé une petite annonce. Non. Pas grâce à Vinted. Est-ce que c'est un truc de d'orgueil? Genre il s'est vanté du coup. Non. Ouais, t'imagines derrière ce que j'ai poussé. Petite annonce. Je l'avais volé à ma tante. Non, c'était pas ça. Il s'est fait chourer. Ah, un perroquet a fait. Oh, il est en train de me tuer, c'est mon neveu. Non, un truc comme ça. C'est une. Mais non. Incroyable. Alors c'est un peu mieux que la vraie réponse. Oh, putain, parce qu'il a, c'est ouf. Parce qu'il a pas dit. C'est ouf. C'est incroyable. Non mais c'est ouf de trouver ça. Je vis dans un monde de dessins animés. Wow. Mais c'est vrai que c'est ouf. Genre ouais, c'est quel ouf, moment tu dis il y a un perroquet qui. Mais non mais c'est des trucs de Mickey Enquête quoi ça. Mickey Enquête. Non mais c'est ça. Wow. Alors, c'est un peu moins bien que ce que tu as dit, mais en vérité. Parce que j'essaie de voir comment est-ce que le perroquet peut dire un truc qui dévoile. Elle a dit le nom. Bonjour, comment il s'appelle? Ashu. Oh bonjour Ashu, comment ça va? Oh non, t'as un couteau! Tu vas pas me poignarder quand même? Oh si! Si! Bon bah là, il a tout dit le perroquet, pardon! Ouais, c'est incroyable! Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le perroquet avait un comportement. Mec, sans étrange. Entrain, c'est incroyable! Ouais, le mec est. Bon, en vrai, c'est fou de joie, non? Je trouve ça dingue d'avoir trouvé ça. Le perroquet avait un comportement étrange. Le mari de la victime s'est mis à énumérer à haute voix de potentiels suspects et l'oiseau au plumage bariolé qui ne parlait plus depuis le drame. A aussitôt retrouvé la parole en attendant le nom du neveu Ashu. Oh, wow. Putain. Oh, c'est limite comme preuve quoi. Alors, cette réaction, même si elle ne constitue pas en soi une preuve. C'était une réaction Ashu, j'ai envie de dire. Allez, au revoir. Merci. Merci. Il quitte la pièce. Bravo. Là, voilà, il fait un petit café. Là, il est en train de faire des pompes. Ah, tu fais un petit café là? Tu fais un café, Adrien? Ah, j'en ai. J'en ai acheté pour toi, Adrien. Parce qu'Adrien n'aime pas le Pepsi Max, alors du coup je vais acheter du Coca. Oh là là. Ah mais il est ici comme un coq en pâte. Hein. Ah non mais il est comme un coq en pâte. Ça va vous sinon? C'est ouais, super vous bien. Passez un bon moment. C'est sublime. Ça va, c'est cool. Ah ouais. Ok. Là. Merci beaucoup. Merci à toi. Il est sympa ce mec hein, quand même. C'était quoi le Ashu? T'as dit quoi? C'était quoi la phrase? La soupe Ashu. La soupe à chou, oh ça marche! C'est ça que t'aimes bien les jeux de mots, Nash? Sinon, j'adore! C'est une cata. Sinon, j'adore! C'est une cata. Ah, moi, tu sais, j'adore! Jeux de mots, blagues, jeux, blind test, bah, plaisanterie et tout. Est-ce que t'aimes les imitations de président mort? Parce qu'on peut aller là-dessus aussi à tout moment. Hein. Ouais. J'aime bien les imitations par contre. J'en fais plein. Une encyclopédie des imitations. Alors on va garder ça sous le coude. À tout moment, on peut. Vraiment sûr que ah oui, mais vraiment, je suis prom dog de fou. Je suis hyper compète. Comme dans les Marseillais. Ah, t'es oui compète, bébé. Bah. Ouais, je crois que t'es la seule à avoir la rêve, je crois. On va peut-être pas le dire, ça. On va peut-être pas le tweeter, ça. On va le garder pour nous. Oh, mais ça, ça reste entre nous, ça. Mais ça reste entre nous, ça. Je sais pas ce que c'est la rue des problèmes. C'est les Marseillais. Mais tu regardes les Marseillais? Non. Mais si, bon, attends. On m'a raconté. Oui, quand t'étais en train de lire un bouquin des mille Zola. Non, j'ai regardé de temps en temps, mais je vais dire la phrase que tout le monde dit quand il regarde. Ça détend quand tu rentres chez toi. T'as pas envie de pencher. Moi, j'ai aucun jugement vis-à-vis de ça. Tu sais que moi, je regarde là. Donc en ce moment, je tourne et donc en fait, j'ai du mal à regarder des films. J'ai un peu la flemme de mater des films, donc je mate des trucs un peu débilos. Et moi, en ce moment, je suis tombé sur une émission sur Gulli. Donc déjà c'est vous dire le niveau culturel du truc. Et en fait c'est un peu Super Nanny ou Pascal le Grand Frère, mais sur des animaux de compagnie qui sont mal élevés. Bien sûr, c'est une émission avec le il s'est passé sur Géo avant. Ah ouais, Géo, ouais. Bah, c'est le dresseur de chiens là. Bah alors c'est, en fait ils sont 3 ou 4. Ah non, ok. Et non mais c'est français hein, c'est un truc non, c'est vraiment des Super Nanny des chiens. Et c'est genre SOS mon chien. Attends, je vais regarder. Oui, SOS ma. Mon animal fait la loi. Oui, je l'ai vu. Et en gros, c'est des gens qui viennent et c'est vraiment cool parce qu'il y a chien, chat, mais aussi il y a des cochons, il y a des lamas. Des hein des oies mortes il y a 60 ans. Et bon, bref, beaucoup. Et c'est vraiment des gens qui viennent et c'est trop marrant parce que t'as vraiment des chats qui sont horribles. Tu vois vraiment le chat faire ses griffes sur la tête des gens et tout. Ils font, voilà, oh vous pouvez pas laisser faire ça. Et vraiment, t'as vraiment des animaux mal élevés, c'est vraiment trop marrant à regarder quoi. Ouais. C'est vraiment le chien, il chie au milieu du salon et tout. Et t'as vraiment les gens qui font, bon, écoute, Sultan, là faut arrêter ça. Sultan, oui, bah, je suis super bon en impro, hein, faut trouver un nom de chien. C'est vraiment Sultan. Médor. Mais Médor là. Sultan. Donc, ça bref. Pour revenir à Hachou, quand on a commencé à dire le nom de Hachou, le perroquet a fait oh, dis donc, où, là, c'est lui. Et en gros, même si ça constitue pas une preuve matérielle, ils ont interrogé ce fameux Hachou et au fil de l'interrogatoire, il a avoué. Oh, j'imagine que si l'on trouvait, il était pas bien qu'Hachou. Bon, allez. Oh, si, ah si. Ah si. On peut c'est que non la dernière syllabe est pas la bonne et tu rajoutes une lettre au début. Enfin, c'est vraiment. Mais quoi un petit mais, peu, bon. Non mais il a chouré des bijoux, ça c'est sûr. Ah. Il les a chourés. Non mais oui ça marche. Oui. À toi, à toi, ah à toi. Il y a toi. Jeu de mots. À oui, toi, là, à toi. Ok, je fais. Ah, parce que moi il y a pas de jeu de mots, je suis qu'une merde. Vas-y, à toi, à toi. Il les a volés, il est sorti, il a même pas à choumer. Il fallait aller vite, hein. Oui, il fallait aller vite, hein. Mon spectacle est écrit, hein, je le rappelle. Mais là-dedans, celle-là. Alors... Tout ça, ce sont des extraits du spectacle. À Landerneau, dans le Finistère. Dans cet autre Finistère, d'ailleurs, chanson de. Les innocents, bien sûr. Ah, ah tu es trop vite. Diggy m'explose au blind test. Oui, 2531 personnes. Pas tout le temps, mais souvent. La plupart du temps. Non, mais je t'ai déjà battu, j'étais fier. Combien de fois, par exemple? Pas beaucoup. Oui, une fois, voilà. Non, 2500. Il a voulu pas. T'as vu, je le flatte et tout. Il est horrible au blind test. Tu sais ce qu'il fait? Il dit Guigui m'éclate au blind test. Enfin, pas tout le temps. Ouais, d'accord. Il a eu besoin de préciser quand même. Il fait des compliments. Après, tu m'éclates, mais peut-être deux fois j'ai gagné, j'étais fier. Voilà. Mais sauf que il est infâme au blind test. Oh, il répond c'est après, pas un compliment ça. C'est une authentique critique. Oui. J'ai rien demandé, je parlais même pas de ça. Allez, c'est bon. Quoi? Cachou là. Oui, cachou. Les innocents, allez, c'est bon. Compris. Bon bref, en Finistère, 2531 personnes se sont rassemblées pour établir un record qui a malheureusement échoué. Bon. Quel était ce record? La plus grande galette de non, les maïfs. Le Schtroumpf. Très bonne réponse. Wow. Rassemblement de Schtroumpf. Alors, faut savoir que l'histoire du rassemblement de Schtroumpf dans Landerneau est un peu triste. Oui. Parce que l'année dernière, ils ont déjà essayé, où ils avaient établi le record, mais il manquait un document. Et cette année, ils ont. Il y avait est-ce 200... qu'ils avaient bien pu le schtroumpfer, ce document? Oh, pas mal. Ah oui, tu connais bien la BD, toi. Ouais. Voilà. T'es payot, toi. Bah, vous m'avez pris pour un. vous m'avez pris pour un bleu ou quoi? Allez, wow. Alors, la couleur de peau des. Qui a dit. T'es payot, il a dit. Y'a plus de vanne, y'a rien. C'est juste le nom du gars. T'es payot. Le titre de l'épisode, t'es payot. T'es payot, toi. T'es payot, toi. Et bon, là il manquait 200 personnes, donc voilà. Bon, bref, ça m'a fait ah un bon peu rire. Ouais, ah oui, c'est vraiment nul. Donc c'était triste. 12. Ouais, c'est, parce que c'est quoi le record? Parce que bah ouais, le record il est. Il a pas si. Ça, il a si, pas si, le record. Il invente là. Le record est de 2762 personnes. Non, mais pourquoi c'est triste? Arrête. Parce que lors de leur première tentative, ils étaient 3549. Ouais, ils n'avaient pas le document. Schtroumpf. Alors, putain. Alors, des charges, moi, si je me fais chier à aller à un rassemblement avec 3000 personnes déguisées en schtroumpf et il y a un connard qui a oublié un document et c'est annulé, j'y retourne pas l'année d'après. Bah, quoi. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ouais, ouais, clairement. Ouais, parce que là, t'imagines, il y avait quasiment 1000 personnes en moins, quoi. C'est énorme. C'est énorme. C'est, ouais, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Ouais, voilà. Voilà, c'est pareil. Une imitation nage tout de suite. Les élèves au château. Oh, Nicolas. Ah oui, ah oui, oui, oui, oui, oui. Ok, oui, j'en ai un autre mieux, mais après. C'est okay, quoi okay, okay. Tu ne préviens pas. D'accord. Tu le feras à un moment. D'accord. Tu sens, si tu le sens, si tu okay. Le sens, c'est, tu un, c'est un blind test d'imitation, faut trouver. Ok. Ok. Oh. Trouver. Je le taxi, va ah, oui. Partout. Oui. Oui. Oui. Paradis, voilà. Ah, t'as aidé un peu en citant la chanson la plus connue. Non, mais elle est bien. Non, mais elle est bien. Non, mais autant, Nikos, si t'avais dit une phrase neutre, j'aurais jamais trouvé. Autant là, la voix est très bien. Moi, j'ai un début de Vianney. Allez. Mais pas du tout. Alors attendez. Oui, ben bon. Faire les yeux, faire les yeux. Du coup, on va faire. C'est bon, papa! Ah! Autant Bachoum wow. Que Vianney! Après, je vais être mais honnête, quoi, je sais pas quelle voix il a. Oui, mais oui! Attends, oui, mais t'es pas... Attends, attendez, faut que je me remette un peu dans l'ambiance. Fermez les yeux. Oui, ouais, fermez on ferme les yeux. Oui. Ok. Peut-être que je suis ton papa. Véronique Sanson un peu. Il y a ton. Véronique Sanson beaucoup plus Véronique Sanson. Oui, oui, oui, oui. Oh la vache, bien. Bon. Je suis un scout. Je suis un scout, je suis Vianney. Bon, bon, j'ai un jeu à vous proposer. Yes. Ah oui. Le jeu du Thibaut in Fake. Oh ouais. Ah, ça va être... Est-ce que c'est des vraies vidéos de Thibaut in Shape ou pas? Exactement. Le jeu du Thibaut in Fake. Alors tu connais un peu Thibaut in Shape, oui. Nash ou pas? Voilà. Le jeu du Thibaut in Fake est très simple. Je vous donne des titres de vidéos de Thibaut bon in Shape. Putain, je peux à vous de me dire si ce sont des vraies vidéos ou des fausses. Il fait un peu okay. Sombre, si okay. Je peux me permettre. Okay, regarde bien. Voilà. Oh tout de suite. Non, mais... voilà, ouais. Ouais, ouais, tout de suite. Je m'infiltre. Une lampe, c'est ça? Parce que je... ça je m'infiltre chez Lidl. Non, faux, c'est Poste bleu, Poste bleu. Ouais, Poste bleu, comment il s'appelle Oui. C'est, en tout cas, c'est pas Thibaut in Shape. C'est attends, on va putain, oui. Ibra. Ibra, Ibra TV. TV. Tu penses faux. Quoi c'est vrai. Il s'est infiltré chez Lidl, mais pas en mode le aiguille. Quand c'était ouvert. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ah, bah, ouais. Il est allé chez Lidl. Ah, c'est Lidl. C'est là qu'on fait les courses, les gars, bon. Vidéo pas dingue. J'ai infiltré dans le parc des buts de Chaumont, je me suis infiltré à la nuit. Non, non, je. Bah, sinon, c'est fermé. La porte était ouverte, je me suis infiltré. T'as fait quoi? Bah, j'ai marché et tout. Ah, t'es allé dans les endroits la où t'as pas le droit d'aller. Minutes. Non, non. Je suis baladé, quoi. Sur j'explore les routes. Un bunker nazi. Oh, c'est vraie vrai, vidéo, c'est vraie vrai. Vidéo, vraie vidéo, vraie vidéo, vraie vidéo. Ouais. Bien sûr. Vivre sans nez, point d'exclamation. C'est vrai. Oui, c'est vrai, vrai, c'est vrai, c'est ah vrai. Ouais, wow. C'est vrai. Elle est sortie. Ouais, pardon. Ouais, elle est sortie. C'est la dernière. Oui. C'est la... T'es fan, ok. Ok. T'es abonné et tout. Non. Ah. Non, mais c'est un peu comme ton. Il était. C'était quoi ton truc de voyant que tu regardais? Il est marseillais. Ah, il est marseillais. Et Thibaut in Shape. Oui, c'est logique en fait. Merde. Non, non. Non, mais je veux dire, si tu regardes les Marseillais. Oui, oui. De quoi? Tu dis ouais, il est F1 les Marseillais. Oui, c'est logique. Non, c'est logique. C'est logique. Si tu regardes les Marseillais. Thibaut in Shape, c'est pas très loin. Quoi. C'est pas, mais c'est pas très loin. Ce qui est logique. En termes de ce que ça propose comme programme, c'est. J'ai regardé une fois les Marseillais, j'ai zappé. Ouais, ah, en plus, c'était en fond pendant mais que oui, tu c'était en fond, bah oui. Ça reste des débiles. J'étais en train de réviser ma pièce de théâtre. Enfin, j'avais mon Becherel. Je découvre une vraie scène de crime. Faux. Faux. Vrai. Ah, ça a changé d'avis là, à ma gauche. Non, je ne te suis pas. Je vais dire faux, je vais dire faux. C'est vrai. Oh bon, mais tout est vrai. Allez, voilà. Vous avez des questions, j'entends pas. Quoi, Koubé, Kanté. Ah, ils sont gays. Ouais. Oh, on est placé à bon escient. Ce bébé fait 50 kilos, entre parenthèses, c'est trop. Faux. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. Ah, allez merde. Il y a une vidéo où il dit le poids de quelqu'un et il met entre parenthèses, c'est trop. Il y en a beaucoup. Il y en a, ouais, y en a vraiment beaucoup. Mais... Je deviens médecin pendant 24 heures. C'est sans doute malheureusement vrai. Malheureusement vrai, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'il faut. Putain, je pense que la réponse à chaque fois devrait être malheureusement vrai. Ouais, malheureusement vrai. Le pire camp de concentration du monde. Non, ah bah faux, oui, faux. Ça, je l'ai vu, ça. C'est vrai. Non, faux. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Le pire, ah non, mais il a visité, le il pire a visité camp de la mort de France. Comment? Vrai. Le pire camp de la mort de France. Non, faux, faux, faux. Faux. Vrai. Celui-là est vrai, par contre. Ouais. C'est quoi, il allait où? Le il pire. Où c'est le pire. Le pire. Mais allait, alors, ouais. Est-ce qu'on a, il sait pas, il montre des instruments de. Je sais pas, de... mais. C'est, pas ça c'est catastrophique. Mais avec Adrien, je sais pas si on avait pas dans un floodcast, mais on avait un truc sur. Il interviewait une rescapée d'Auschwitz. Donc une meuf raconte sa vie de juive pendant les nazis, quoi. Oui. Et elle raconte les deux qu'elle fait, bah non, on était juifs et donc on avait l'étoile jaune et on avait accès à rien, ni au cinéma, ni au parc. Thibaut demande, pas la salle de sport? Et elle répond bah non. Et, elle, et il fait oh le pire. Le pire. Non, c'est pas vrai. Oh, putain. Mais non. Oh le pire, c'est un de mes trucs préférés d'humour. C'est pour moi, c'est mieux que 10 saisons de The Office. C'est ça. Ah waouh. Oh le pire. Oh le pire. Ah, waouh. Et tu sais, tu dis même si c'est une vanne, est-ce bien le moment, Thibaut, de... Ouais, en règle générale, est-ce bien le moment, Thibaut, ouais, ouais. Une journée, je passe une journée sous morphine. Vrai. Allez, non, vrai, je pense pas. Vrai, vrai. Non, c'est faux. Ben joué, Guigui Pop. Non, il fait je coach santé. Jean Lassalle à la salle. Vrai. Faux. Faux. C'est vrai. Oh. Je me retiens d'aller à la selle à la salle. Entre parenthèses, expérience extrême. Non, oh. Faux, faux. Non, c'est faux. C'est trop toi ça. Avoir le cancer. Vrai. Vrai, vrai, ça c'est vrai. Putain, c'est vrai ça. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est malheureusement vrai. On dirait le, tu sais, un podcast genre ouais. être en vacances, être genre, avoir le cancer. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est quoi, il va avoir des gens qui ont le cancer? Je sais pas, j'ai pas regardé pour être tout à fait. Je sais pas s'il a testé d'avoir le cancer ou s'il rencontre des gens qui ont le cancer. Non, je pense qu'il parle à des gens, mais oui, je pense aussi. Je mets une patate à un cheval pour voir ce que ça fait. Ça... Ça c'est moi. C'est la prochaine. Elle est pas sortie encore. J'ai pris une douche froide par jour pendant 30 jours. Vrai. Non, c'est pas lui, c'est un autre youtubeur. Je pense que c'est faux. C'est vrai, bien joué. Ah ouais, ouais. Il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait ça. Il le fait déjà tout le temps lui, non? Une douche froide? Ouais. Tu crois que ça muscle, ça tend les muscles un peu? Non, les sportifs ils font ça. C'est Miracle Morning, ouais, c'est. Parce que pour moi, c'est plus un truc de genre entrepreneur, machin, tu vois. Mec qu'on a rien à foutre de la dépression, par exemple. Tu vois, qui l'emmerde, par exemple. Oui, voilà. Un truc comme ça, bien sûr. Être un nain. Alors, non, ça, c'est le prochain film de Gaston Bide, je crois. Ça n'a rien à voir. Oh. Non. Non. Être un nain, non, non. Ah, vu le petit sourire, c'est vrai. Regardez, il adore. C'est vrai. Non, c'est faux. Orange, il a fait une vidéo. Je mesure 1m30. Voilà. Donc, où il traîne avec un mec qui est de petite taille. Qui est youtubeur d'ailleurs. Peut-être, je sais pas. Je connais pas bien. Bataille de tank à la Légion étrangère. Oui, oui. Vrai. Vrai. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Il laisse même pas répondre. C'est fini. Je visite un camp de gitans. Entre parenthèses, immersion. C'est vrai, c'est vrai. Vrai, oui, oui, c'est vrai. Faux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça je l'ai vu. Je vais au quartier, entre parenthèses, immersion en cité. Non. Ça c'est pas Marie Saint-Filtre. Non, c'est Thibaut. Ah ok, c'est Thibaut. Non mais elle a fait ça. C'est un titre de Thibaut InShape. Ouais, Marie Saint-Filtre, elle a fait un truc dans le genre. Pour dénoncer un peu le. Non, rien. On va le dénoncer, c'est pas souvent, le sexisme, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, que ce soit gratos, c'est souvent elle dénonce. Elle s'infiltre en tout cas souvent. Il pèse 50 kilos, trop maigre. Ouais. Oui. Thibaut InShape, il sort une vidéo tous les combien? Alors là, je vais vous dire, tout ça, c'est depuis un an. Il n'y a pas une seule des vidéos que je vous donne qui date d'il y a plus d'un an. Putain. Tout ça est entre 2021, enfin début 2022 et aujourd'hui. Comment il arrive à faire des trucs de si bonne qualité? J'ai des seins pendant 24 heures. Oui, vrai. Bien sûr. Non. Vrai. Déjà, il aurait dit des meules. Déjà, oui. Je vous le dis. Et donc, c'est faux. C'est faux. Bah oui. Il aurait dit des meules. Il aurait dit j'ai des bonnes meules. L'église. Entre parenthèses, je bande. Il aurait dit je pense. À mon avis. Oui, bah. Non, mais oui. L'église la plus extrême du monde. Vrai. C'est bien ça. Je vais à un enterrement en minuscule avec un point à la fin. En minuscule, avec un parce que tout ça depuis tout à l'heure, c'est des trucs en capital. Ok, mais ça c'est vrai. Là, il dit, je vais à un enterrement. Je crois que c'est vrai. C'est vrai, je l'ai vu. C'est vrai. Je l'ai regardé. Putain, je l'ai regardé. Et alors non, mais il suit les étapes. Il est avec un mec des pompes funèbres et en gros, il parle avec lui et il y a les étapes du truc. Il y a juste un truc qui est drôle, c'est que vraiment, il parle face à cam. Genre, bon bah là, voilà, on est à un enterrement. Il parle un peu doucement et il y a vraiment la famille endeuillée derrière avec le corbillard derrière. Une famille qui a accepté quoi. Il y a une famille qui a accepté sans doute. Un gars qui mais ce qui est drôle quand même. Un gars de la Team Shape, j'imagine. Quelqu'un de la Team Shape. Non, mais bien sûr. C'est horrible. Ouais. Mais. Non, mais ce qui est drôle, c'est les effets de montage. Parce que tu sais, c'est les gens. Ils parlent avec le mec et tout. Bah alors, on accompagne les morts, voilà, dans une période difficile et tout. Et ça fait. L'image qui fait. Et vraiment, c'est. Bon. Peut-être. Bon, les effets sonores, peut-être, n'étaient pas obligatoires. Ouais, peut-être. Clair. Un prêtre exorciste nous parle du diable. Oui. Ah ouais. Tu l'as regardé? C'est oui. Non, je l'ai pas vu, mais. Ah! Si, je crois que je l'ai vu en plus, mais j'ai oublié. C'est vrai. Ce dépressif ne l'est plus grâce à moi. Oh. Alors, si, je dirais non, mais si elle existe, je la regarde en rentrant chez moi. Oui. Vrai. Non, elle est fausse, ouais. Malheureusement. Coincé dans le corps d'un enfant de 10 ans. Oui, bah oui, faux. Oui. Pourquoi pas. Donc, attends. Coincé dans le corps d'un enfant de 10 ans. Mmh... Oui, je crois. Non, c'est faux pour moi. Mais non. Comment c'est possible? Ah, c'est vrai. Oui, vrai. C'est vrai. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce que à chaque fois, je m'imagine que c'est lui. Mais non, c'est l'interview quelqu'un qui. C'est ça. Oui, parce qu'il a un petit côté Sophie d'avant maintenant, Thibaut. Il rencontre des gens qui ont des destins un peu. Non, mais c'est vrai. Il a pris ce petit virage surprenant. Et maintenant, il va à la rencontre. Cette stripteaseuse a 80 ans. Ouais. Oh, j'ai envie de dire oui. Allez, j'ai envie que ça existe. Oui. Non, tu fais une vidéo YouTube de ça, c'est bon. Ouais, t'as 80 ans, t'es stripteaseuse. Bon, bah allez. Voilà, qu'est-ce que je te dise d'autre? Dame, après. Et lui dit pour continuer, tu dois aller à la salle. Il arrive à ramener ça un peu à son. Alors, oui. Peut-être, tu vois. C'est faux, malheureusement. Oh, c'est faux. Mais là, on lui donne des idées. Je deviens juif? Point d'interrogation. Oui, c'est vrai. Non. Si. Wow. Je deviens juif avec. Moi, c'est le point d'interrogation qui plus exclamation. C'est les deux. C'est vraiment genre. Je deviens juif. Parce qu'on dirait, Mais on est où là? On dirait, tu sais, le début d'un film où un mec devient juif. Il se réveille. Quoi? Et la vignette est très bien. Je vous invite à regarder la vignette également. Ah oui, mais en plus c'est pas genre, il est juste, il a les bras comme ça, il a une kippa et. Elle est très sobre. Elle est gaulerie. Ouais, ouais. Chers amis, voilà, c'est la fin du Thibaut in Fake. C'était bien. Moi j'aimais bien. On arrive à la toute fin, tout simplement, de l'émission. Ouais, voilà, tranquillement. Tout doucement, tranquillement. Mais avant de partir, j'aimerais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les actualités de chacun. Ah oui. Parce que Nash et Guigui, vous vous connaissez depuis pas si longtemps, au final. Pas si longtemps, oui. Si longtemps. Comment vous êtes rencontrés? C'est grâce au Random Comedy Club, j'ai l'impression. Non, en fait, on s'est rencontrés. Voilà. Jamais tu me contredis. Pardon, excuse-moi. C'était un véritable roast, encore une fois. Tout ça pour vous dire. Non, on s'est rencontrés sur ma toute première date de stand-up que j'ai faite au motel, figurez-vous. Et Nash, elle jouait sur ce plateau. Okay. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et c'était la première fois qu'on se voyait. Ouais. Personne n'a l'air ravi de ce qui se passe. Non, mais la première fois qu'on s'est vu, on s'est dit bonjour. Il y a du regret. On a parlé. Et puis après, pourquoi on s'est revu? Bah, et puis, après, c'est au Random. Ouais. Ah ouais. Parce que tu m'as proposé de jouer. Et puis moi, j'ai dit oui, parce que j'avais entendu que c'était que de la régalade là-bas. Donc, est-ce que tu t'es régalé? C'était vrai. Et je me suis régalé. Voilà. Et après, c'est une histoire d'amitié. Quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ton spectacle depuis combien de temps, Nash, là? Ça va faire un an. J'ai commencé en juillet. Ok. Avant, je faisais des exceptionnels. Il est dur à dire ce mot. Et après j'ai été résidente à partir de juillet. Et puis là voilà, je continue toutes les semaines. Et tu le fais un peu évoluer ou oui. Est-ce qu'il est... Ouais quand même. Ouais. Moi, je le fais un peu évoluer, je continue d'écrire, etc. Ok. Je le modele, quoi. Oh, c'est dur à dire aussi ça, je le mode. Je t'avoue que je suis pas peu fière. Ouais, merci. Tu joues dans des petites scènes ouvertes un peu partout. Ouais. C'est ça. Dans des comédie clubs. C'est ça. Et est-ce que ton spectacle, tu le joues tous les... Est-ce qu'on peut le rappeler pour les gens quand même? Ouais, tous les dimanches. Tous les dimanches, à au point virgule. Ouais. Au point virgule, ça se passe bien, t'es content? Ouais, super. Très cool. Trop bien. Et là, on te parle, t'as fait aussi après avoir tout de Baptiste, voilà. Oui. C'est quand même marrant, je le passe aussi, bien. Parce que alors, du coup, pareil, c'était il est super. Du coup, il a... Les gens se sont éclatés, non? Ils ont ri. Mais ça a été, je crois, une masterclass. Ouais, non, mais voilà. C'était loin d'être gay. Alors là, les gens ont dit que c'était loin d'être gay. Bon escient. C'est lata. La chipolata, oui, voilà. Bah, du coup, c'est chipo, j'aime bien, moi. C'est chipo. C'est chipo, c'est quand okay, c'est bien. Ok, c'est le nouveau on lance, sexe. C'est chipo. Pour dire que c'est bien, c'est chipo. Ça va pas marcher, je pense. Je vois pas de quoi tu parles. Tu sous-estimes à quel point les auditeurs du podcast sont des forceurs. Et à quel point on est des ringards. C'est chipo, quoi. Toi, Guigui, donc ça y est, est-ce que tu as envie de faire un spectacle? Ou est-ce que tu joues maintenant de droite à gauche? Pour l'instant, je joue beaucoup. Et c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. En fait, on est méga content parce que le random ça marche grave, quoi. C'est chipo, quoi. C'est chipo de ouf. Okay. Grave chipo. Enfin, ça marche grave, on n'a pas à se plaindre. Les gens viennent, tout le monde se régale. C'est tous les mercredis, je le rappelle, à 20h et à 21h30 au Kibélé à Strasbourg-Saint-Denis. Et maintenant, alors là, on a une date exceptionnelle qui est déjà passée, du coup. Ouais. Qui est déjà passée au Chouchou Hôtel et qui va plutôt se... Mais vous allez en faire d'autres. Normalement, on va en faire d'autres. Ah bah oui, quand même, voilà. Ça s'est tellement bien passé. Et on a toujours le spectacle au Trianon fin juin. Ah mais toi, t'es dedans. Eh oui, oui, parce que c'est Étienne et Antoine. Alors on en avait parlé avec Étienne et Antoine. Et moi, je fais la grosse première partie du spectacle. Ah, ils ont pas écrit assez, c'est ça? Ça ressemble quand même à un aveu de... Il y a un troisième gars. Faut combler un peu le... Donc ouais. Mais est-ce que t'as l'ambition de faire un spectacle ou est-ce que t'aimes bien faire des... Ouais, quand même. Non, mais j'écris des trucs, mais après, ça fait pas longtemps. Hein. Mais c'est dur, je trouve, moi, de trouver le thème d'un spectacle ou savoir comment... Tu l'as imaginé comment, toi, Nash, ton... Moi, je l'ai imaginé, voilà, en racontant ma vie avec une bande de potes, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'arrive, je suis vraiment en mode de, bienvenue, c'est ma boum. Coucou. Ouais, mais c'est ce qu'on sent un peu dans les. Il y a quand même quelques extraits sur internet, sur YouTube, de ouais. choses que tu fais. C'est ce qui en ressort. Notamment un extrait au random. Oui, j'ai posté un petit Reels. Bien sûr. Des Reels. Avec c'est pour collab. Ça que tu fais de la breakdance au début du spectacle. C'est parce que c'est une boom, non? C'est pas ça? Alors, c'est pour ça ou pas? Oui. Tu veux expliquer peut-être? Non, peut-être. Non, bah, je fais un petit pas de. J'adore la breakdance. Ouais. Ouais. Bah ouais, mais en même temps, c'est dans notre ADN. Ouais, déçu les gens. Hey, si maintenant, venez au spectacle et si elle le fait pas, faut lui demander. Ouais, n'hésitez pas. Ah, bah je pense que ça va te mettre à l'aise dès le début. Tout ce qui est toupie. Qui est coupole. La coupole, ouais. Non, en tout cas, voilà, vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Nash Stand-Up ou Nash Humour, vous pouvez voir déjà des sketchs. Il y a un passage au Montreux, il y a un passage au Paname, enfin voilà, il y a des choses que vous pouvez voir. Au Jamel, non ? Oui, au Jamel Comedy Club aussi, où je joue. J'ai l'impression que t'as roulé ta bosse. On prend du plaisir. Mais oui, c'est ça. On prend du plaisir. Et donc, du coup, pour aller te voir en spectacle, tout simplement, au point virgule. Complètement. Très joli sol du point virgule. Oui, mythique. Après, mettre des gens, des fois, sur la scène. C'est pas un peu bizarre parce que je me dis des fois là, moi une fois on m'avait en fait la salle elle est complète et quand elle est complète on te dit bah il y a plus beaucoup de place, est-ce que tu veux aller sur scène sur les côtés, ce à quoi j'ai répondu je vais plutôt rentrer chez moi, malheureusement je n'étais pas assez à l'aise pour sur les côtés, il y a des gens que ça un peu difficile quand même, mais bon c'est aussi une très jolie salle qui est dans le centre de Paris, qui est dans le Marais pour plein Marais, 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, voilà, allez sur Billard et Duc, et si vous aimez laissez des commentaires, le bouche à oreille, mais n'hésitez pas. Voilà. Avec plaisir. Non, en tout cas, il y a plein de bons retours de ton spectacle. Il paraît que c'est super cool. J'ai pas eu la chance de te voir, mais voilà. Venez quand vous voulez. Avec plaisir. C'est très marrant. Mais alors, je fais juste un calcul vite fait. Ah, j'ai eu l'occasion de faire sa première partie deux fois déjà. Et il l'a refait bientôt. Ce sera. Il va la refaire. Exactement. Avec plaisir. Super plaisir. Mais alors là, je suis en train de faire le calcul. Il y a une seule personne ici qui est jamais passée au random, si je peux me permettre. C'est vrai. Quelqu'un à qui on a. Je suis même pas passé dans le public d'ailleurs. Je suis même pas venu en fait. Je suis jamais venu. Oui, bah, chinois. Mais c'est vrai que c'est. Mais non, mais il est. Voilà, c'est un petit. Tu sais que lui, il est passé. La deuxième fois qu'il est passé, il m'a même pas dit qu'il y allait. Ah, bah alors. Pourquoi? Il veut pas que je vienne. Il a peur que je le. Je vais dire. Écoule. Écoute-moi bien, je vais dire la vérité aux gens. Ah. Si Adrien vient dans le public pendant que je joue sur scène et qu'il y a des gens qui nous connaissent, je sais très bien que des gens vont être extrêmement déçus que moi je sois sur scène et pas lui. Et tu sais que c'est vrai, Adrien. Non, mais c'est pas lié à toi. Mais oui, je suis persuadé. D'accord. Je pense que si on est. C'est un peu lié à moi. Mais je suis dans l'histoire, mais je veux dire, c'est pas à cause de ta façon d'être. Je pense mais que vraiment. Il y avait quand même une attente. Il y avait un petit truc. Il y a une attente. Adrien, il y a une vraie attente autour de toi sur scène et je le pense vraiment. Si j'avais joué sur scène et qu'Adrien était dans le public, je pense vraiment que les gens m'auraient dit. Ah, ça aurait été cool qu'il y ait Adrien. Enfin, tu vois, j'aurais pas apprécié mon moment, mais c'est sûr que si. Puisque quand je l'ai fait, je pense que tous les gens sont venus me voir à la fin de mon passage en disant et c'est quand qu'Adrien le fait. Donc, je pense que c'est lié. Il y a des gens qui viennent et qui nous le demandent, même quand vous n'êtes ni l'un ni l'autre là. Il n'y a pas Adrien. Et en plus. Tu dis arrêter, et la dernière fois, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des stories, il fait oui, c'est Van, je vais les tester sur la scène du random et tout en story. Bon, bah voilà. Alors, les gens, ils ont fait une blague. Les gens, ils ont pris feu. Et voilà. Je vous ramène du monde, pauvre con. du monde qui est déçu de pas te voir, mais oui, voilà. C'était un plaisir. C'est facile de dire bon, il y aura Snoop Dogg, venez. Bon, il n'y a pas Snoop Dogg, vous êtes content quand même. Le Snoop Dogg du stand-up. Voilà, tout simplement. Non, c'est vrai que c'est très cool le random. Moi, j'ai eu la chance d'y jouer, je me suis beaucoup amusé. Il y a un public très bienveillant. Si je peux me permettre, je m'occupe désormais d'un autre plateau qui s'appelle le Regal Comedy Club. Mais c'est aussi. Vrai, que petit chat là. Ça va, là. Un graphisme digne des plus grands. Tu vas te calmer maintenant. Le graphisme est incroyable. Digne des plus grands. Ah oui, bah, c'est moi qui m'en charge, bien sûr. C'est mid-journée ou quoi? Non, parce que je connais un peu les trucs Internet. Je connais le web et tout, ça marche bien ça. C'est middle. Fin groupe Facebook là pour trouver des gens qui viennent. Ça va bien buzzer. On va passer comme à l'accoutumée aux recommandations culturelles. Je vous ai pas prévenu à l'avance, mais s'il y a quelque chose que vous avez apprécié culturellement parlant récemment, que ce soit peut-être du cinéma, de la musique, du théâtre, du stand-up, de la télé, une émission des Marseillais par exemple, au hasard. Est-ce que Nash, par exemple, que tu as quelque chose à partager avec nous? Oui, moi j'ai une série que je regarde en ce moment que j'adore, qui me prend vraiment. J'aime beaucoup. Mrs. Maisel. Ah bien sûr. Voilà, je sais que je suis toujours en retard un petit peu sur les séries. Elle est sortie il y a un petit bout de temps maintenant, mais j'adore. Voilà. Ouais, puis il y a une nouvelle saison qui arrive, je crois. Oui, elle arrive là bientôt. Donc c'est pour ça que je me fais toutes les saisons maintenant. Comme ça, quand la nouvelle saison arrive, je suis prête. Est-ce que tu peux résumer un petit peu ce qu'est la série? Bien sûr. C'est une jeune femme dans les années 50 qui est mariée avec un jeune homme. Ce jeune homme se lance dans un stand-up, mais il galère un petit peu. Voilà, à écrire, avoir des rires, etc. Il écrit, mais il galère un petit peu. Voilà. J'ai peur de spoiler. Non, faut pas trop en dire. Mais voilà, ensuite, à son tour, elle décide de se lancer dans le stand-up. C'est ça. Voilà. Et on suit ses aventures. Voilà, exactement. Et c'est dans les années 50, c'est ouais. ça. Donc en plus, 50 on découvre, à 60. On découvre un petit peu le début ouais. du stand-up aux États-Unis en vérité. En l'occurrence, pour ça me permettre de conseiller le très bon film Lenny d'ailleurs avec Dustin Hoffman qui est vachement bien. Voilà. Donc c'est sur Amazon, je crois. Prime, ouais. Prime Video, ouais, c'est ouais. ça. Donc ouais, il paraît que c'est vachement bien. J'aimerais c'est bien top. M'y mettre un jour. En plus, j'ai vu qu'il y avait genre 3 saisons ou 4 saisons. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Ah oui, quand même. Ouais, ok. Mais ça te prend direct, donc c'est trop cool. C'est hyper rythmé et tout. Enfin, c'est trop bien. Ok. Et c'est rigolo quand même. Oui, ouais. C'est quand même rigolo. Oui, okay. Oui, tu rigoles. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, super. Adrien. Oui. Moi, c'est un jeu vidéo. Alors, pareil, qui est pas sorti. Je crois qu'il est sorti en 2017, mais je l'ai découvert notamment parce que je me suis remis à Twitch et du coup, j'ai joué à ça. Twitcher. Ça s'appelle Dicey Dungeons. D-I-C-E-Y. Plus loin, D-U-N-G-E-O-N-S. Ok. Et alors, il est sur PC, il est sur Switch, je crois. Il est aussi sur iOS et peut-être sur Android. Enfin, bref. Aïe. Et bon, c'est assez. Un peu compliqué à décrire, mais en gros, c'est un jeu où il y a des systèmes de combat où t'as des. Tu as un certain nombre de dés. Des dés, vraiment des dés à 6 faces, quoi. Et toi, t'as différentes attaques que tu peux faire. Et chaque attaque. Pour les exécuter, tu dois utiliser un certain type de dé. Donc ça peut être bon, soit n'importe quel dé déclenche l'attaque, soit uniquement des dés pairs, soit uniquement des dés impairs, soit des dés uniquement inférieurs à 3 ou supérieurs à ceci, cela, etc. Et en gros, c'est vraiment un jeu sur basé sur l'aléatoire, en fait, parce que à chaque tour, tu as des types de dés, enfin des dés différents, et tu dois essayer de te démerder, sachant que tu as aussi des actions pour casser un dé en deux, pour avoir, par exemple, si tu as un 5, bah, tu as un 3 et un 2, etc. Et donc, c'est plein de trucs où tu dois réfléchir à chaque fois, à chaque tour, comment tu peux réussir à faire une attaque, etc. C'est un peu compliqué. Ça a l'air très compliqué, ouais. Bah, non, à expliquer surtout, parce que après, bah, c'est assez. C'est Mario un peu. C'est un peu Mario, ouais, c'est ça. Non, mais voilà, et donc c'est vraiment très. C'est très, très, très, très bien. Il faut aimer ce genre de jeu, bien sûr. Bien mais sûr. Très, très prenant, et puis, bah. Ça existe sur téléphone et tout. Je pense que ça peut être cool comme jeu. Moi, j'y joue pas sur téléphone, mais je pense que. Ouais. Voilà, ce jeu. Très bien. Guigui. Bravo. Eh ben, moi, j'ai commencé hier une série que j'ai grave kiffé. J'ai regardé les trois premiers. C'est Beef. Okay. Sur Netflix. Ça me dit quelque chose. Avec Ali Wong, bien sûr. Et Steven Yeun. Ah oui, il paraît que c'est pas un peu dur, genre, non ? Pas du tout ? Pour l'instant, non. En fait, okay. C'est plutôt cool. En fait, le premier épisode, je me disais, oh, on sait pas trop où ça va. Et la fin du premier épisode, tu fais, ah ok, j'ai compris où ça va. Et pour l'instant, c'est vraiment pas mal. C'est grave rythmé, c'est grave bien. Et voilà, j'ai grave kiffé. Regardez. Donc ça parle de quoi, grosso modo ? Ben, en gros, ça commence sur un mec qui est dans un magasin, qui sort sur le parking. On sent que c'est un peu un loser. Il passe une journée de merde. Et il veut sortir du parking et il se fait klaxonner par une voiture. Et finalement, il se dit ah putain, mais c'est quoi ce connard ? Et la voiture, quand elle part, elle lui fait un doigt, tu vois. Okay. Il se dit oh non, bah, ça passe pas aujourd'hui, je suis grave vénère. Et ça part en course-poursuite. Et c'est le début de la série. Et après, évidemment, ça part dans autre chose. Mais cet événement-là, il va découler ça va découler sur plein d'autres trucs. Ok, qui bah, sont assez cool. Et il y a Ali Wong dedans. Et donc c'est de la comédie, parce qu'Ali Wong elle est très. Non, pas tant. C'est de la comédie, mais c'est un peu. Ça dépend. Enfin, c'est pas vraiment marrant en fait. Ah, ok, c'est d'accord. Plus, parce qu'Ali Wong elle est très marrante pour le coup. C'est humoriste, c'est vraiment galerie. Sur le, les gens qui. Nervous breakdown. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est okay. Un peu chute libre avec. Ouais, un peu dans ce délire. Okay. C'est un peu cool. J'aime bien ce thème là. Oui, moi aussi. Ok, je regardais ça. Alors. Avec mini-série Netflix. Une série de 10 épisodes. Ah oui, quand même. Produite quand par A24. Est-ce qu'on est vraiment toujours déçu par A24 Non, jamais. Non, assez rarement. Jamais. C'est toujours assez qualitatif. Regarder, ouais. Un épisode, ça dure combien de temps? Je crois que c'est 40 minutes. D'accord. Ok. Ah, non, tu voulais proposer autre chose? Je voulais une autre imitation, mais je sais pas si c'est possible. Deux. Bah, qui tu veux? Bien sûr, c'est possible. Ah, bah alors attendez, c'est parti. Ok. Excusez-moi, parce que. Non, bien sûr. Quand même, la réverbe. J'avoue, c'est pas le bonheur. Ouais, Christophe Maé, bon allez. Okay. Moi, je rêvais d'amour. Aujourd'hui, je n'ai plus l'âme. Elle est bien. Franchement, je le fais pas bien. Ouais, elle est bien. Elle est bien. Côté Vianney de Flaubert, un peu. I know. Non. Mieux que le Vianney. Comment Et toi, peut-être. Oui, parce que toi, tu critiques. Bah oui, c'est vrai, toi, t'as imitation. Toi, t'as des imitations. Alors, les recommandations culturelles de Flo. Une imitation. Moi, j'avais Christophe Maé, mais elle me l'a pris, mais je le fais trop bien. Oh, genre, oui. Vas-y, fais-le, on peut les comparer comme ça. Attendez, j'arrive. J'avoue, c'est pas le bonheur. Ouais, c'est bien. Oh. Ah, si, il est pas mal. C'est bien. Très bien celui-là. Okay, j'ai la très bien celui-là. Il a le soufflement. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, pas mal. Merci. Je vois qu'il y a, en fait, il y a vraiment une maîtrise. Ouais, j'ai bossé. Une maîtrise. Ouais, c'est ça. Eh bien, quant à moi, vu que vous me le demandez, oui. Oui. Je vous propose le film After Sun. Mon neveu m'en a parlé. C'est vachement bien. Il est aussi nage là ? Alors, il est encore un peu, mais pas beaucoup. Ouais. Dépressif un peu. À Paname, c'est possible, ouais. Mais je pense qu'en dehors périphérie, c'est plus difficile. C'est un film, c'est un drame en vrai. Ouais, un truc de fragile ça. C'est un truc de fragile, effectivement. Ce n'est pas un film que Thibaut Inchef vous conseillerait de regarder. Ouais. J'ai regardé After Sun. C'est ça le titre. Interrogation, exclamation. Quoi ? Il n'y a pas de salle de sport. Non, c'est un super film sur un daron qui. C'est des vacances en fait d'une jeune fille de 9-10 ans. Okay. Et moi déjà, j'aime bien les films de vacances. J'aime bien les films, et surtout quand c'est des trucs sur des coming of age, enfin tu vois, des adolescents, les ou les bronzés. Par exemple, non, les aventures saisonnières. Oui, voilà, c'est un mélange de Camping 2 et de. Voilà. Non, mais tu sais, les films, justement, un peu. C'est en plein soleil, mais c'est un peu dark. Il y a une mélancolie, on s'ennuie voilà, pendant ça. L'été. C'est ça, exactement. Ah, ça, j'aime beaucoup ces trucs-là. Mais il me connaît par cœur, lui. Lui, mais c'est. Il me connaît par cœur. Virgin Suicide. Tu vois le livre-là, je l'ouvre. Bah, pareil, lui. Parce que je suis un livre ouvert pour lui. Ouais. Et bref, c'est super bien. Et c'est sur un daron qui va pas très bien, qui gère sa fille, qui fait ce qu'elle peut aussi. Et moi, j'adore ces films-là. Toi, le genre de daron, pourtant, t'es pas très. C'est un truc qui me parle assez peu. Et d'ailleurs, le film que je fais en ce moment, rien à voir. Rien à voir, ouais. Mais non, voilà. Donc, c'est un truc qui moi, me parle, mais que j'ai trouvé très joli. C'est un très beau film, c'est un premier film de Charlotte Wells, je crois qu'elle s'appelle, et surtout les deux acteurs sont incroyables. Il y a la gamine qui s'appelle Frankie Corio, elle est vraiment très très forte, lui est super aussi, mais lui tout le monde dit qu'il est super, donc voilà, je rajoute une pièce en disant qu'effectivement il est super. Et après c'est des films que moi je suis très content de voir au cinéma, parce que moi devant la télé parfois je peux un peu être tenté de m'ennuyer, ouais. Et le cinéma m'aide beaucoup moi pas penser à autre chose, et là des fois il y a des trucs très contemplatifs, il y a des trucs voilà sur l'ennui de l'été comme tu dis, tu vois, donc parfois c'est un peu difficile, mais il y a du David Bowie et ça c'est quand même toujours chouette dans un film. J'irai pas le voir. Et voilà, non mais c'est vraiment bien. After Sun, super film, et voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai pas regardé, et beaucoup de gens font la promo, si vous suivez nos milieux, vous avez sûrement entendu parler, mais c'est vachement bien. Stéphane, je veux le voir, j'ai pas vu là. Ils disent comédie d'horreur, mais c'est comédie de malaise un petit peu. C'est pas vraiment horrifique. Non, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi j'aime pas les films d'horreur. Oui, ça fait pas peur, ça me met mal à l'aise. C'est arrivé près de chez vous, est une bonne référence, je trouve. C'est ça, ouais. Voilà, il y a cette ambiance là entre rire et en même temps, des fois tu dis, oulala, je sais pas trop comment. Et la promo du film est très très bien. La promo est super. Ils sont trop forts. Ils sont tous, tous les gens. Impliqués dans ce projet sont géniaux, que ce soit à la prod, à la réal ou au casting, tout est super. C'est sur MyCanal pareil, ça dure pas très longtemps, donc faites-vous plaisir, c'est vachement bien. Si vous aimez C'est arrivé près de chez vous, Bernie, enfin toute cette espèce de cinéma français un peu punk, de dire punk, hein. Voilà, c'est vachement bien, ça s'appelle Stéphane. Il y a grande chance que vous ayez déjà maté si vous écoutez le podcast, mais quand même ça coûte rien de remettre une petite pièce dans la machine. Stéphane de Timothée Hochet et Lucas Pastor. Bon voilà tout le monde, merci beaucoup, bravo, salut, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.